Salutations à tous les fans de séries télé et de cinéma. Vous écoutez Spoiler Alert Québec, épisode numéro 41, avec l'équipe complète. Ça fait un petit bout qu'on a été vraiment toute la gang ensemble. Ça fait quoi, 4 épisodes, je pense? Fait qu'il y a Stéphane. Salut Stéphane. Bonjour, bonjour. Il y a William aussi. Bonjour William. Hello. Salut Jeff. Et il y a moi-même. Mais on a aussi un invité. Puis l'invité, c'est Pierre-Luc Gosselin des Satiriques. Salut Pierre-Luc, ça va bien? Bonjour, ça va très bien. On est très content de t'avoir avec nous. C'est William qui a lancé ce projet-là. Et puis, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ben ouais, on s'est rencontrés sur un autre podcast. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Tu as fait partie de Trois Bières quand même plusieurs fois. Ouais. Puis, d'ailleurs, on s'était vu c'était à quel épisode live récemment. Là, puis, tu avais même participé. C'était vraiment cool. Puis, c'est ça. Donc. Ouais, puis moi je me rappelle, ok, en chaque segment, moi puis Stéphane, on arrêtait pas juste de shooter plein de questions, hein, Pierre-Luc, genre sur coloc.tv, puis sur genre... Ça se peut qu'on n'ait pas assez de jus pour le podcast. Bon. On répétera toutes les conversations qu'il y a eu au truc de Trois Bières, tout simplement. Ça va être magique. Donc pour les gens qui te connaissent pas, Pierre-Luc, juste pour commencer, toi dans le fond, t'es réalisateur, monteur et spécialiste d'effets spéciaux. J'ai trouvé ça sur le site de Zéro Musique en passant. Donc, t'as fait pas mal de projets, là, comme les colocs.tv, comme on disait, le gars des vues, etc. Donc, on va parler de tes projets un petit peu plus tard, mais merci encore d'avoir accepté l'invitation. Pas de trouble, j'écoute pas de podcast, puis j'aime ça, donc je suis content d'y participer. Excellent. C'est tellement sweet. Des gens qui encouragent les podcasts en général, puis ça, c'est vraiment cool, parce que c'est quelque chose qui fait dur de quand même. Ouais, mais en fait... Parce que j'aime pas trop la musique. Okay. Ce qui fait que quand j'aime beaucoup mieux entendre des gens jaser, pour moi, le temps passe plus vite que de devoir calculer en termes de 3, 1 minute et demie. Ah, ça fait 12 tunes, donc ça fait tant de temps que je m'entraîne ou que je marche dans la rue. On dirait qu'en écoutant des gens, la vie est belle, donc vive les podcasts. Mais comment ça, t'aimes pas la musique? Non, mais je suis pas capable d'écouter de la musique en faisant autre chose. Que faut que tu t'assoies pour l'écouter, dans le fond. Ouais, mais j'écoute pas la musique en travaillant, j'aime pas écouter la musique dans un char, n'importe quoi, je trouve ça long. Tandis que écouter des gens, mon cerveau, il se met en mode... Je suis intéressé et non pas, je suis en train d'analyser des courbes de wave. Ouais, c'est vrai. En faisant du montage, dans le fond, on veut pas... c'est comme une déformation professionnelle un peu en même temps. Là. Ouais, puis je couche le soir, puis j'ai pas l'impression d'avoir... rien fait de la journée puis d'avoir été seul. Fait que j'ai l'impression que j'avais des amis puis que j'ai jasé. Que t'es pas un ermite à faire du montage chez vous. C'est ça, c'est ça. Du coup, ce soir, j'ai plein d'histoires dans ma tête, c'est le fun. Nice. Surtout la musique en plus, tu sais, moi j'écoute toujours les mêmes affaires, là. Fait que c'est crissement redondant après un certain moment. C'est Simple Plan pour la 1200e fois. Là. C'est hey, j'écoute pas de Simple Plan, là. J'ai plus 11 ans. Là. Donc tu l'as jeté. Pierre-Luc. Ça, il y a des gags récurrents, moi pis Stéphane, on aime chier sur Simple Plan. Bon. Je sais pas pourquoi, là. C'est comme notre fun dans la vie. C'est vrai que je les connais pas. Ah, bon. Je les pas personnellement, en tout cas, là. Oh, ouais. Non, mais c'est correct. Moi c'est... En mais, cas, on embarque pas sur Simple Plan. C'est quand même Simple Plan, les premiers ever qui nous ont présentés pour la télévision dans le cadre de Cave l'Antigala, le ou le troisième, là. Shit, méchant segway, ouais. Combien de fois? Ouais, hein, méchant segway. Nice. D'ailleurs, je t'ai recroisé, Pierre-Luc, quand cette année, là, au Carve, l'Antigala, moi, j'allais au bordel avec des amis. Ah, c'est vrai. Puis j'ai peut-être un peu fait un fret, là, dans votre. Tu souffrais, genre, avec Nicolas, puis je sais pas trop qui. Puis là, je suis comme, hey, Pierre-Luc, puis là, comme, salut. Tu sais, en tout cas, c'était-tu weird? Non, mais il y avait un peu trop de monde, parce que quand l'Antigala, pas, c'est pour les ados, puis d'habitude, t'as de l'alcool gratuite quand tu vas dans les trucs comme ça, puis c'est le fun, puis. Tandis que là, il n'y a pas d'after party, c'est très gentil, il y a beaucoup d'enfants, ce qui fait qu'on va prendre notre bière l'autre bord de la rue. Ouais, malheureusement. Vous avez pas caché de flasque ou rien? Non, mais je peux revenir à Simple Plan, c'est juste que quand on a commencé avec les satiriques, là, quand on nous connaissait fuck all, le père de Nicolas était sur la production de Cave l'Antigala, fait qu'il nous avait eu une possibilité de pouvoir faire un sketch. Ah oui, je me rappelle, c'est ça Guy Jodoin qui animait. Ouais, c'est ça, c'est Guy Jodoin qui animait, c'était à la piscine olympique. Fait que là, on arrive, puis là, on était dans l'autobus avec les vedettes. Moi, je me rappelle, j'avais, je sais pas quel âge, quand que ça jouait, puis j'étais comme, mais c'est qui ces deux gars-là que personne connaît? Ben, c'est ça que t'avais. Puis on sentait mal parce qu'ils nous ont fait venir dans l'autobus avec les autres vedettes. Fait que là, ils nommaient le monde, mais nous, c'est les satiriques. Fait que, on était juste avant Simple Plan, puis après Ramdam. Fait que là, il y avait le tapis rouge, là, ils ont crié « Ramdam! » Le monde capotait « Wow! » Les satiriques, là, personne dit rien. Moi, je savais que ma blonde, à l'époque, il pensait qu'elle faisait partie de la gang, fait qu'il l'interviewait. Non, pas que ça. Puis quand on s'est fait introduire sur la scène, quand il y avait 2500 personnes, personne n'a rien dit, il y avait un gros malaise. Moi, je pensais qu'au montage, il allait rajouter des applaudissements, quelque chose pour enlever le malaise, mais non, ça a passé en nombre. C'était pas cool. Des bruits de criquets en arrière. Ah, c'était mauvais. Bon, voilà. Ben, sur ce, parlant de malaise, je fais un machin segway, moi aussi. Un petit. Ah, Chris, t'es boboche, un peu, c'est pas grave. Donc, t'es comme un vrai animateur de c'est quoi, là. Ouais, c'est ça. On passe à la musique. Ok, donc Stéphane, tu vas nous faire un petit malaise de gueule. Ça fait un petit bout qu'on en a eu. Fait que je te laisse le chemin, puis après ça, on va continuer avec le programme habituel. J'aime vraiment ça quand quelqu'un me souhaite de faire des doux rêves sur Facebook. Parce que sans lui, je ferais des cauchemars. Sacré Jean-Claude, comment que je ferais pour vivre sans toi? Les gens qui font leur propre bière m'envoient comme message qu'ils sont vraiment trop bons pour ça de la Molson X. Le hip-hop... Moi, le malaise me fait rire à chaque fois. Le hip-hop québécois s'adresse vraiment à tout le monde parce que c'est fait par des gars du peuple. Eux autres, ils s'adressent à la plèbe parce qu'ils savent en masse c'est quoi payer une pension alimentaire. Je pense me faire tatouer une larme en dessous de l'œil parce que c'est le symbole universel de la petite crapule. On se demande souvent comment on saurait qu'une race extraterrestre viendrait en paix sur Terre. Si l'alien a des dents acérées puis des couteaux au bout de ses tentacules, tu peux ne pas être certain. Mais s'il a un tatou de larmes en dessous de son œil, tu sais qu'il est là pour faire des trucs de petites crapules, comme tuer toutes les vaches d'un fermier. Est-ce que ça va loin, tes affaires? J'ai déjà travaillé dans un couche-tard et c'était loin d'être amusant. C'est long des journées à se faire demander comment ça se fait qu'un sac de chips et une caisse de bière montent à 3 500$. Je veux dire, comment que je suis supposé me payer un yacht avec un salaire de crève-faim? Le pire, c'était quand le prix des cigarettes montait à cause du gouvernement. Il y avait toujours une petite madame pour dire « Comment ça que le prix a monté de 50 cents? » Je savais toujours que la meilleure réponse à cette question-là, c'était « Madame, le gouvernement a monté les prix pour payer votre chimiothérapie. » J'ai tellement travaillé là longtemps au couche-tard que je sais que le nom du hibou, c'est fucking hiboulot. Oh, ouais. C'est hiboulot, le genre de... La contraction du mot hibou pis boulot, là. Tu sais que ça va bien couche-tard, là. je sais aussi que le nom de la fille qui est une pancarte qui affiche les spéciaux, là, à chaque entrée de couche-tard, ben, c'est Rachel, ben, pour tous ceux qui se le demandent. Ben, en fait, je pense que Rachel, c'est le nom que ma gérante lui a donné. Parce que c'est sa seule vraie amie. Je veux dire, comment que Rachel ne pourrait pas être une bonne confidente? Elle a juste ça à faire écouter. Elle va jamais dire que t'as pas eu de raison cassée avec Jason, l'assistant gérant. Puis quand t'es triste, elle t'affiche un beau spécial 2 pour 1 sur les Snickers. C'est pas mal ça. Ah, all right. Merci. Rachel, es-tu la bonne grandeur? Je me suis toujours posé la question. T'es un peu plus petite qu'une grandeur normale. Elle 4 pieds quelque chose, là. Ouais, mais c'est ça. Moi, je me fais tout le temps faire le saut, là, honnêtement. À chaque fois que je vais au couche-tard puis que je vois Rachel, là, je suis tout le temps comme « Ah, oh, fuck! » Ben, pas « Ah, oh, fuck! » Tu sais, je me demande tout le temps s'il y a quelqu'un dans le file d'attente ou quelque chose, fait que... Mais t'as bien avec le chandail de couche-tard? Je pense que oui. Ouais. OK. Des fois, elle donne du Gatorade, des fois, elle donne des Snickers. C'est un job varié, là. C'est quand même assez intéressant. Plutôt. Fait que, merci Stéphane. À chaque début d'émission aussi, on parle de ce qu'on a écouté récemment. On t'en a pas parlé, Pierre-Luc. Fait que, si tu veux, t'as-tu des choses à nous proposer que t'as écouté récemment, soit au cinéma ou à la télé? J'ai été beaucoup au cinéma. À la télévision, j'ai écouté beaucoup de pilotes de nouvelles séries qui s'en viennent. Mm-hmm. Ce qui fait que souvent, j'écoute beaucoup de pilotes, mais je me rends pas nécessairement au deuxième épisode, là, okay. Dépendamment. Comme là, cette fois-ci, c'était Limitless, qui était la version série télé du film. Mm-hmm. Est-ce que vous connaissez le film? Oh, ouais. Limitless, c'était la pilule que Bradley Cooper prenait pour le rendre super intelligent. Mm-hmm. Ben, c'est ça, ben, c'est la version télé, puis je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Tu sais, la façon où c'est réalisé, puis comment on rentre dans sa tête pour comprendre ce qui se passe. Que c'est quelque chose que je vais réécouter, puis en plus, Bradley Cooper, il joue dedans. Ah oui, ils n'ont pas comme. Ils n'ont pas décidé de ne pas payer quelqu'un, puis de mettre quelqu'un vraiment. Non, parce qu'ils ont pris quelqu'un d'autre qui prend la pilule, comparativement au film, mais Bradley Cooper est le gars. Qui vient un peu plus tard dans le film pour faire « Hey, je comprends comment ça fonctionne cette pilule-là, moi j'ai plus d'ancienneté que toi par rapport à ça, fait que je vais être ton mentor. » Non, c'est un genre de crossover, là, ça va être cool. Ouais, c'est vraiment intéressant. Il y avait ça aussi, j'ai le nouveau Heroes Reborn. Ouais t'as posté une photo cette semaine sur Facebook à propos de ça d'ailleurs. Ouais, dans les deux premières minutes, ça se passe à Saint-Félicien, au Québec. Zoo? Ouais, ben ça, ça ressemble à ça, c'est un gars qui court dans la rue. Je sais pas s'il s'enfuit du zoo, ben c'est un animal humain, non? On comprend pas trop, on saura pas. C'est un shapeshifter de girafe. Hey, c'est vrai, on a jamais vu ça, ce serait malade. Très malade. D'ailleurs, j'ai en train de monter ça en ce moment, un homme girafe. C'est devant mon ordi en ce moment quand je vous parle. Là. Puis c'est Réal Bossy qui le fait. Je suis Nostradamus. Mais j'ai pas le droit d'en parler. Ouais, ça, puis mettons aussi, en ce moment, tantôt j'étais allé voir The Walk, le film de Robert Zemeckis, entre le français qui est passé sur un fil entre les deux tours jumelles. Oui. Un funambuliste. Mm-hmm. Puis ça, c'est vraiment impressionnant, mais à voir en 3D avec des lunettes au IMAX. J'ai versé une larme parce que c'était beau. Ok. Puis en plus, c'est Charlotte Lebon qui joue dedans. Puis là, on compare l'accent d'un Américain qui fait semblant qu'il y a un accent français qui parle en anglais, puis l'accent d'une Québécoise qui fait semblant qu'il parle anglais. Ça va. Fait que c'est assez drôle de voir les accents de tout le monde. C'est Jordan, Joseph Gordon-Levitt, je pense, qui joue dedans. Ouais, ça, avec des verres de contact. Ouais, après son faux menton dans Looper, il y avait des faux verres de contact dans ce film-là. Ben, il est bon. Nice. Très bon film, je conseille. Mais pas au cinépark, puis pas en DVD. Vraiment, ça vaut la peine d'y aller en 3D. En Blu-ray 3D, mettons, tu recommanderais-tu? Ouais, aussi. C'est moins de fun, mais bon, c'est comme manger des restants, mettons. La bouffe est quand même bonne, mais elle a été réchauffée. C'est comme manger de la pizza, là. Ouais, c'est ça, c'est la farine de la pizza, mais tu sais. C'est le genre de film à la Gravity qu'il faut absolument que tu vas au cinéma? Tant qu'à moi, oui. Parce que peut-être Gravity, je le réécouterais pas en DVD, on dirait. Ou en Blu-ray, excuse-moi. Ouais. DVD. Anyway, j'écoute sur ma télé avec des fichiers très, très Lego. Ouais, ça, c'est comme tout le monde. Ah ouais. Pour fruits, comme dirait William. Ouais, c'est mon expression de normal. Mais... Excellent. Puis t'avais-tu d'autres choses, Pierre-Luc? Et j'écoutais Pour Sarah au Québec. Parce que j'ai vu passer sur mon Facebook, ça, c'est la nouvelle série d'une fille qui pogne un accident de voiture. Et ta TVA. Oui, ah, avec oui, Sylvain Marcel, là. Ouais, c'est ça. Puis je me demandais, parce que souvent, les séries à TVA, ils commencent avec un bon pilote, bon premier épisode. Puis plus ça avance, 4, 5, 6, ça devient comme un téléroman. Mais tu sais, souvent, souvent, les premiers épisodes sont quand même intéressants. Puis moi, j'avais vu dans le preview que c'est la première fois que je voyais un party de jeunes qui était quand même pas pire dans un film québécois. Tu sais, où est-ce que oui, il y a de la drogue, puis il y a des gars un peu sous qui sont cons, puis qui foutent le feu quelque chose, puis qui le mettent dans la piscine, puis il y a des filles en costume de bain dans le spa, puis tout ça. Pis, c'est la réalité, là. Ouais, c'est non, ça. Mais pas c'est quand même possible. Un party c'est... cheap dans vos marques party, là. Ben, c'est ça. À vos marques party, personne prend de l'alcool. Ah, ils boivent de l'orangeade, là, pis des c'est ça. Comme dans Mixmania, là. Ouais. Avec des crottes de fromage, puis de la liqueur. Vous me suivez là-dessus, comme une chanson, là? Non? Ouais, je sais pas. Okay. Le soir, les cornes poussent, là. Ouais, mais c'est ça. Là, il était wild parce qu'il y avait de la liqueur pis des chips. Ouais, pis tu sais, c'était même pas des Cheetos, c'était genre des crottes de fromage du genre coutu. De même. La marque personnelle de Chip. Oh, ouais. Donc voici entre autres les trucs que j'ai vus récemment. Excellent, mais merci beaucoup Pierre-Luc. Stéphane, toi qu'est-ce que t'as écouté de bon? J'ai écouté les deux premiers épisodes de la saison 19 de South Park, puis c'était merveilleux. Parce que... South Park, ils ont l'air à s'améliorer avec le temps. J'ai lâché ça un moment donné, mais c'est pas parce que c'est pas bon, c'est juste, je sais pas pourquoi en fait, mais ils ont l'air à chaque fois que j'entends parler, c'est qu'ils ont l'air à s'améliorer avec le temps, c'est, contrairement à d'autres séries très connues. Ben c'est pas comme les Simpsons que... C'est ça que je disais. Ça piquait une drop, là. mais y a-tu moins d'épisodes de South Park par année? Y en a moins en moins? Ouais, ben y a tout le temps 10 épisodes. Ok. Ok, ouais. Fait que c'est plus tight. Ouais, c'est ça. Mais... Les Simpsons, ils en ont comme encore 23, ouais. Là. Puis c'est quasiment tous eux autres qui est South Park qui font. Mais South Park, j'avais écouté un documentaire, là. Ça prend 6 jours à faire un épisode. C'est ridiculement pas long, là. Je pense qu'il... Ouais, mais à écrire, par contre, ça va être différent, là. Non, 6 jours pour faire l'épisode au complet, là. Non, mais ça, c'est que peut-être qu'ils prennent, mettons, 8 mois pour écrire les 10 épisodes, pour non, 6 jours de production. Dans le documentaire, ça avait plus l'air d'être fait en 6 jours, mais ça se peut qu'ils... De la manière que j'avais compris, c'est qu'ils vont dans une espèce de retraite l'été. Genre, là, ils shootent plein d'idées qu'ils pourraient faire. Puis là, ils en pognent, mettons, je sais pas, 2-3 pour faire 2-3 épisodes. Puis après ça, genre, ils stressent genre leur vie, genre, mettons, le jeudi ou le vendredi quand ils commencent à écrire. Genre, je pense qu'ils remettent l'épisode, genre, une heure et demie avant qu'il passe en onde. C'est ridicule. Le temps que les avocats l'écoutent. Ouais, c'est ça, genre, le temps que les avocats l'écoutent. Là. Ouais, c'est-tu très très proche de l'actualité, mettons? C'est que très très très proche de l'actualité. Mettons, le premier épisode, là, c'était sur Caitlyn Jenner. Puis sur comment que tout ce qu'il y a en humour en ce moment doit être politiquement correct, puis que tu peux pas, mettons, aborder, mettons, le thème des transsexuels ou le thème des handicapés, ce qui est très d'actualité en ce moment. Ouais. Ouais. Puis c'est... Ils introduisent un espèce de personnage qui s'appelle le PC Principal, qui remplace, genre, le directeur de l'école. Puis genre, à chaque fois qu'ils, mettons, qu'ils disent que Caitlyn Jenner, c'est pas un héros, genre, il se fait donner de la merde, puis c'est toutes des affaires de même, là, c'est merveilleux. Nice. J'ai pas mal... T'as-tu écouté d'autres choses? C'est pas mal ça que j'ai écouté. T'avais-tu déjà vu le show de Dave Attell aussi? Oui, mais j'ai pas grand-chose à dire dessus. Ok. As-tu vu la vidéo sur Internet des deux auteurs de South Park qui étaient allés prendre genre un buvard comme sur la chute aux Oscars! Déguisé en fée aux Oscars? Oh, ouais, je l'ai vu. Ouais, c'est ça qu'ils ont fait. Ils sont déguisés en fée, ils étaient aux Oscars, ils étaient à la drogue, puis quand les gens lui posaient la question pourquoi ils étaient déguisés en femme, ils détournaient le sujet pour pas en parler, pour qu'ils voulaient juste pas répondre. Tout le tapis rouge, on répond pas toutes les questions quand ils parlent de notre robe, on va juste poser, on va parler de d'autres choses, ça va être très très drôle et malaisant. Ah mon dieu, ça a l'air merveilleux. C'est vrai, je pense que c'est la première chose que je vais aller regarder tantôt. Merci beaucoup. Je pense qu'il était en nomination pour meilleur soundtrack, meilleure chanson pour Blame Canada, c'est ça? Ouais, Blame Canada. Ça a de l'allure, ouais. Excellent. Et bon, fait que toi, William, qu'est-ce que tu as écouté de bon? Moi j'ai été de l'autre côté. J'ai écouté l'épisode 1 de la saison 27 des Simpsons. L'épisode que... Moi, les Simpsons sont rendus qu'ils ont quasiment une formule. Ils hype un épisode pendant comme un an et demi avant qu'ils jouent, là. Puis tu l'écoutes, puis t'es déçu. C'est comme l'année... je me rappelle l'année passée, c'était pas... À peu près genre au même moment de l'année. Le crossover avec Family Guy? Même pas. Parce que ça, c'était bon. Mais le crossover avec Family Guy, c'était dans un épisode de Family Guy. Mais les Simpsons, c'était... Oh, il y a un personnage important qui va mourir. Puis la personne qui était morte, c'était genre le père de Krusty. Fait que c'est tout sauf un personnage important qui est mort. Wow. Puis là, cette année, c'était... Marge et Homer vont se séparer. Puis il va arriver de quoi? Puis là, il... C'est ça qui arrive dans l'épisode, mais tu sais, c'est comme tous les épisodes de Simpsons. Là. Ça se replace à la fin, puis ça finit. Là. Puis c'est encore une fois pas un super bon épisode. On dirait qu'il manque de jus. Là. Mais je sais que c'est bizarre de dire ça. Ils ont pas déjà fait cet épisode-là, là, mais il semble qu'ils sont déjà séparés. Puis... Ah, une couple de fois, là. Ouais. Ouais, non, mais là, c'était comme quasiment sur le bord du divorce pour vrai. Genre, mais c'était ridicule quand même. Homer allait vivre dans un motel dans l'ancien épisode. Là. Oh, ouais. Mais. Est-ce qu'il y a toujours des épisodes qui finissaient par à suivre dans les Simpsons ou c'est... C'est arrivé une fois, puis c'était Who Shot Mr. Burns. Ah ouais. Mais moi, je pense que j'ai jamais réécouté un épisode des Simpsons depuis le film. Genre, ouais. On dirait que genre depuis le film, je suis comme... c'est fait, là. Moi, je les écoute plus comme... Tu sais, dans le temps, moi, j'avais des DVD, genre saison 1 à 12, puis je les écoutais comme tout le temps. Il y a bien des épisodes des Simpsons qui sont comme forgés dans ma tête, là, tellement je les écoutais. Puis après saison 21 peut-être, je n'ai vraiment pas vu beaucoup là. Je l'ai vu une fois de temps en temps là. Mais un des bons épisodes que j'ai vu là, si vous voulez aller le voir, je pense que c'est dans saison 25. Il s'appelle Steal This Episode. Puis c'est genre un épisode sur le piratage. Puis comme Homer qui download un film. Puis là, à un moment donné, il se ramasse en cours parce qu'il a download un film. Puis là, ils font un film sur sa vie. Puis là, il y a le monde download le film sur lui qui download un... En tout cas, c'était vraiment un bon épisode. Mais tu sais, c'était 1 sur 24 là, fait que... Moi j'ai commencé à faire du cinéma puis du vidéo à cause des Simpsons. Je me prenais les Simpsons puis je refaisais avec mes parents plan par plan, réplique par réplique, les répliques de Marge puis de Homer qui jasaient là. C'est comme ça que j'ai découvert comment faire des cuts puis plan large, plan serré puis tout ça. Mais les Simpsons. Mais vous autres là, c'est quoi votre mettons épisode préféré des Simpsons? C'est tough l'épisode. Je pense que les 5 premières saisons, il y avait des épisodes qui suivaient, parfois ça suit plus. Que, comme tu peux aimer un début puis une fin qui sont complètement différents. Mais je pense que l'épisode du monorail, là. ouais. Ça, c'est magique. Ah, mais il y a un épisode d'un moment donné que Bart, il décrisse une gargouille sur une maison d'une madame, d'une vieille madame. Puis là, le bordel! Oh, ouais, puis Homer est comme tu vas aller travailler de la madame, puis là, c'est un bar de striptease. Puis pendant ça là comme Marge était comme partie avec Lisa comme laver des roches genre parce que il voulait sauver des baleines. Ah oui, sur une plage là. Oui, oui, oui. Il voulait sauver des baleines mais toutes les baleines t'as sauvé. T'es réservé par des vedettes, fait que tout ce qui restait c'était laver des roches. Moi je me rappelle d'avoir vu l'épisode où ce que la femme de Ned Flanders a mort dans une course là. Ouais, elle reçoit un pneu ou quelque elle chose. Elle reçoit un chandail. Ouais, c'est ça. Vrai. Dans un gun à t-shirt. Puis là elle meurt parce que elle se décalisse du stand pour s'asseoir. Je me rappelle d'avoir écouté ça à genre quand l'épisode y a joué pour vrai à genre 2000 ou whatever quand est-ce ça a ouais. joué. Ouais, saison 10, il va y avoir pas mal 2000. Hein. Moi, le spécial Halloween quand Homer était 3D. Ah oh, oui, oui, oui. Il y a quelque chose dans cet épisode-là. Ouais, puis le part 1, c'était genre toutes les pubs, ils viennent en vie, là. T'sais, ah, c'est ça, ouais, c'est ça. Puis le deuxième, je pense que c'était... Les griffes de la nuit. Ah oui, c'était genre Nightmare on Elm Street, mais avec Willy ouais. à la place. Là. Ouais. C'était vraiment hot. Nice. Mais moi, j'ai pas d'idée, fait que ça va. Moi, je pense, je dirais peut-être, il y a Mr. Plow qui me vient en tête parce que je l'ai vu bien trop de fois. Puis il y a Lisa est végétarienne aussi. Je pense que l'épisode de l'arbre de citron de Shelbyville aussi. Oh, ah oui, Shelbyville, ouais. Lemon of Troy qui s'appelle. Ouais. C'était vraiment. C'est un limonier, c'est ça? Un citronnier, c'est ça. Puis tu sais, comme le début de l'épisode, c'est juste comme le monde de Shelbyville qui sont comme « Yes, on va pouvoir aller à une place puis marier nos cousines. » Springfield est comme « Fuck ça, marier nos cousines. » Fait que là, ils se séparent les deux villes. Oh. C'était stupide, mais là... Ils ont dit, je pense, cette semaine, mais ça arrivait... que Shelbyville, c'est basé sur l'inceste, mais tout va mieux dans cette ville-là. Ouais, c'est vrai. Mais ils ont confirmé cette semaine qu'il y aurait... Confirmé, semi-confirmé qu'il y aurait probablement... Ça finira à saison 30. Qui est correct, là, tu sais, c'était un chiffre. Ouais, c'est ça, un moment donné... Un moment donné, le citron est assez pressé. Oh, oh, c'est oh, shit! Oh, shit. On est expert du Segway aujourd'hui. Bon, fait que sinon, t'as-tu écouté d'autres choses, William? Pas ben, j'ai continué Gotham, puis c'était correct. Là. D'ailleurs, ça m'a fait rire, il y avait une shot, parce que le ciel n'était pas de la même couleur et des deux côtés du monorail, là, c'était malade. Ouais, mais ça, c'est à cause que d'un côté, t'avais un orage qui s'en venait. L'autre, ouais. Non. Ouais. Ouais. Ouais. Fait que, moi, ce que j'ai écouté... ouais, j'ai écouté Dexter. L'épisode qu'on a enregistré... Goût, ouais. Ça m'a vraiment donné le goût. Puis là, je suis rendu saison 2, puis j'aime bien ça. J'ai tout déjà vu, fait que... Je sais quels épisodes vont être mauvais, puis tu sais, je vais peut-être en skipper. Mais les premières saisons, il n'y en a pas vraiment de mauvais, fait que j'aime beaucoup ça, et c'est vraiment amusant. Et j'ai écouté aussi The Last Ship, que je me suis tapé en genre 2 semaines. C'est quoi? C'est une série qui joue à TNT. Est-ce que vous connaissez ça? Non. Non. Pour ça qu'on te demande, c'est quoi? Ouais, ça tombe bien, c'est parfait. Donc, The Last Ship, c'est une... ça se passe après un apocalypse. Ce qui est vraiment... Ça arrive jamais. Là, c'est tellement original de nos jours. Ouais. Exact. Mais là, c'est pas une affaire de zombies. C'est un virus qui tue du monde. Mais puis, les scénarios dystopie, ça n'a jamais été fait. Là. Jamais. Jamais. Puis, en plus, c'est fait par... le producteur, c'est Michael Bay. Ça donne un indice de comment ça a du potentiel de pas être bon. Ça dépend. Ça a du potentiel d'être le fun, au moins, si c'est pas bon. Oh, ouais. Ouais, ben c'est ça. C'est là que je m'en vais, en effet, Pierre-Luc. C'est le mais... fun. Y a-tu Martin Lawrence dans cette émission-là? Non, y a pas Martin Lawrence. Non, je suis désolé, je m'excuse. Puis y a pas non plus comme Optimus Prime ou des affaires de même. Là. C'est vraiment basé sur des personnages qui sont plus ou moins connus, en fait, là, des acteurs qui sont plus ou moins connus. Mais ça enlève rien à l'émission. C'est une émission vraiment, un petit peu comme Pierre-Luc, tu disais, c'est vraiment le fun, c'est divertissant. C'est pas super intelligent, mais ça a une histoire quand même, même si c'est pas original, l'histoire est quand même intéressante, là. Il y a un bon suspense aussi. Donc ça se passe, comme je disais, après un apocalypse. C'est un bateau de la Navy qui était comme en Arctique. Puis il y a eu un apocalypse de un virus qui tue plein de monde. Puis là, ils font comme, ben là, il faudrait revenir, tu sais, puis comme essayer d'aider le monde, je sais pas quoi. Puis trouver en même temps une cure à ce problème-là. Puis ils ont tout le temps des problèmes parce qu'il y a comme un méchant bateau russe ou un méchant une méchante gang de mercenaires ou d'Al-Qaïda, genre. Il y a tout le temps quelque chose qui arrive. Ça va pas bien, mais c'est vraiment divertissant. Puis en plus, à la Michael Bay, il y a des effets spéciaux qui sont bien faits pour une série cheap de TNT. Donc je souhaite. Moi, dans le fond, pas je souhaite, mais je conseille aux gens d'écouter ça pour peut-être décrocher. Puis OK, voilà. C'est un bon genre Atom Crochu style de décrochage. Ouais, ben peut-être pas aussi décrochage que ça. c'est à ton crochu, c'est bien le fun. Check comment que je fais un segway avec Alexandre Barrette. Hey, imagine Alexandre Barrette. Il écoute l'épisode. Produit par Michael Bay. Michael Bay produirait ton crochu, serait fou. Oh ça, my god. Malade. La roue, ça explose quand le monde y tourne. Quand les gens n'ont pas les bonnes réponses, là, oui, ça serait écœurant. Fait que, non, c'est ça. Fait que je conseille ça aux gens. On décroche, faut pas prendre ça trop au sérieux. C'est pas aussi mauvais, entre guillemets, que Z Nation. Que, encore là, je m'amuse à blaster, mais que j'écoute non-stop. Z Nation, c'est un plaisir coupable. C'est un plaisir coupable. Et je dirais que Last Ship, ça rentre dans cette catégorie-là, mais c'est vraiment de meilleure qualité. Puis Michael Bay fait une bonne job pour produire ça, là. Puis, en tout cas, fait que je conseille ça au monde. Ça vaut la peine. Le problème, c'est qu'ils sont difficiles à pogner. C'est sur TNT. TNT, je sais même pas si c'est disponible sur Vidéotron, entre autres. Donc, puis c'est pas sur Netflix. Donc, faut trouver une autre façon de les trouver. Fait que c'est ça. Ok, donc, c'est bon. Un peu ce que tu disais tantôt, Pierre-Luc. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. Mais avant, ouais, Pierre-Luc, il parlait d'écouter des pilotes. Moi, j'ai comme viré fou. Tu sais, à chaque semaine, iTunes donne des épisodes gratuits de plein de séries. Ah, ouais, je sais pas. Fait que genre, dans mon iTunes, j'ai comme 86 épisodes 1 de séries que j'écouterai jamais. Puis moi, c'est juste comme, hey, j'ai une copie légale d'une série TV, est-ce que je vais l'avoir, là? Fait que j'ai l'épisode 1 de The Last Ship, justement. Tu sais, c'est... Oh, ben, va écouter ça, puis tu vois. Puis ça se peut que... Tu tombes comme accro en partant. Puis, pour les gens qui ont aimé... écoute, là, j'essaie de me rappeler du nom du film. Avez-vous vu un film qui se passe en Angleterre? Puis c'est comme... Il y a comme en Écosse. Ils ont fait un mur, là, entre l'Écosse et l'Angleterre. Parce qu'en Écosse, il y a eu comme un virus qui a comme tué tout le monde. Ça vous dit quelque chose que je dis là? Ou, ça sonne très V l'après-midi, ça. Non, ben, ça serait... Ça peut être cette qualité-là, en fait, ou reconnaissance, je dirais, ça a peut-être cette reconnaissance-là. J'essaie de trouver, je me rappelle pas du nom, mais en tout cas, la fille qui joue dans The Last Ship, qui s'appelle Rona Mitra, c'était l'actrice principale du film que je parle, que j'ai pas le nom malheureusement. Puis elle joue techniquement quasiment la même chose. Genre. Fait que c'est. Voilà. Fait que moi, dans le fond, pour les gens qui ont aimé le film que je parle, que j'ai pas le nom, je vous conseille d'écouter The Last Ship aussi. Ah, puis il y a celui qui fait juste grogner dans la série Chuck. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, exact, c'est vrai. J'avais oublié ce gars-là, il y a Adam Baldwin. T'as bien raison. Ok, il fait partie de la famille, je savais pas. Oui, puis il joue. Non, il est pas dans la famille, il a juste le même nom. Ok. Ouais, non, c'est ça, c'est vrai, en effet. Mais il joue, en effet, le même rôle qu'il jouait dans Chuck. C'est-à-dire. Tout un registre. Tout un registre. Il est vraiment badass. Oh. Fait que voilà. Le film que je parle, c'est Doomsday. Ah, bon, oh, c'est okay, bon, ouais. Doomsday! Ouais, c'est bon. C'est le genre de film que tu pognes au hasard puis tu fais que non, c'est bien bon. Oui, mais Doomsday, là, il y a des ratings de cul partout, mais moi, je l'ai aimé puis je le réécoute une fois par année à peu près parce qu'encore là, c'est très, très, très divertissant. Il y a la très charmante Rona Mitra dans le rôle principal. Là. Ben, c'est ça que je dis depuis 2 minutes, mais c'est correct. C'est parce que mon père me parlait depuis 2 minutes. J'essaie de faire semblant que rien n'est arrivé. Merci, monsieur Daguerre. Donc, oui, Rona Mitra, elle joue dans le fond, dans Doomsday, elle joue une espèce de madame... Elle joue une espèce de Kate Beckinsale. Ouais, exactement. Elle ressemble en plus, fait qu'elle est délicieuse. Mais elle va en Écosse pour comme botter des culs puis trouver un cure. Ben dans ça, dans la chip, c'est une scientifique, mais vraiment scientifique hardcore, là, brillante brain. Fait qu'elle botte moins des culs, mais quand même capable de botter des culs. Mais sa job, c'est quand même de trouver un remède à un gros virus. Fait que ça ressemble un peu. Et voilà, j'ai fini d'en parler parce que je pense que je tourne en rond. Ah ok, je vais comprendre. Rona Mitra, c'est aussi la fille qui prenait sa douche nue dans All Men. En tout cas, c'est ça que j'ai vu en tapant son nom. Tu sais, dans All Men, il s'en va, puis quand il comme sa voisine, il la trouve cute, puis elle veut rien savoir de lui, puis là, quand il est rendu invisible, il va la voir. Ah oh, bon. Oui, c'est vrai. Ben, c'est une des scènes creep du film, là. Ouais, c'est ça. Ça, puis le gros plan du sein, où est-ce que qui se fait galber et toucher par une main invisible. Ouais. On s'entend que je pense que c'est le même réel qui a fait les Robocop, puis... Paul Verhoeven. Starship Trooper. Paul Verhoeven. Ouais, c'est ça. Il est toujours un peu pervers, ce gars-là. Ouais. Fait que voilà, c'est ça que j'ai écouté récemment, donc je pense qu'on a fait le tour. Fait que là, donc, Pierre-Luc, on va pouvoir parler de toi. Oui, on va pouvoir parler de toi. On a notre partie, comme je disais tantôt, Kessas. Donc, on va parler de tes projets, pour commencer. Fait que tes projets depuis tes débuts, ce que tu fais présentement, ce que tu veux faire, tes projets à moyen terme. Je pense que mes deux collègues vont avoir des questions pour toi aussi. Bon. Donc pour commencer, ma première question pour toi, Pierre-Luc, comment que c'était, j'espère que tu vas faire le lien, comment que c'était de faire jouer Francis Reddy en Barras? Galartis. Ouais, exact. Mais c'est parce que j'avais trouvé ça vraiment hot de voir Francis Reddy être vraiment Barras, là. Moi, c'est voir Chiquan craquer une nuque, là. Ben, c'est ça. Exactement, c'est vraiment... C'est drôle, mais moi, j'avais su, parce que Chiquan, il a fait du karaté, dans la vraie vie. Pour vrai? C'est genre, l'acteur qui fait Chiquan, là. Ouais, l'acteur qui fait Chiquan, moi, j'ai quand même jasé pas mal de son rôle de Chiquan quand je l'ai vu cette journée-là. Puis j'ai parlé au téléphone aussi, parce que je voulais qu'il se batte. Puis il me disait que dans le temps de What a Tal, il était toujours en tabarnak. Puis son personnage, c'était un peu lui-même. Parce que il avait comme des problèmes de comportement. Puis tout ça, c'est réglé parce qu'il a sorti avec Valérie Blais. Ben, je pense que les arts martiaux l'ont aidé aussi un peu, là. Mais reste que dans le temps, il jouait avec des gens. Tu sais, lui, il a fait genre l'école de théâtre. Il arrive là-bas, puis il joue avec des jeunes de comme 14-15 ans qui savent pas jouer, là. Fait qu'on s'entend que le niveau de jeu, quand t'écoutes des exemples de la saison 1, 2, 3 sur YouTube, lui, il joue bien, il joue juste, puis les autres, ils sont dégueulasses. Mm-hmm. Souvent, ils sont vraiment dégueulasses. Puis lui, ça le faisait chier de jouer avec des petits culs. Fait que souvent, il regardait les cubes. Hey, regarde-moi les yeux quand je te parle. Puis là, comme, il les insultait, puis ils les envoyaient chier. Fait que son personnage qu'il avait de Chiquan, il était un peu comme ça sur le set aussi. Wow. Puis quand il est pogné par le... Il voulait leur faire peur pour vrai, pour qu'il joue bien, puis qu'il joue juste. Mais souvent, il est en tabarnak à cause du niveau de jeu. Puis en effet, là, on s'entend qu'il y avait des acteurs qui n'étaient pas si bons que ça dans What a Tal. Ben, la sœur à Michel Couillard, là, ça n'a jamais été bon. Là. My God! Ça n'a jamais été bon. Là. Et moi, je pense que j'avais 8 ans, puis le running gag dans ma famille, c'est qu'elle, c'est la fille du producteur, parce qu'il n'y avait pas d'autre raison pour laquelle elle pourrait être là. Ça n'avait pas de sens. C'est genre la Lisa Simpson de What a Tal. Sa personnalité, oui. Là. Mais moins wild que Lisa. Ouais, ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Puis, bon, c'est ça. Fait que sinon, ben, c'est ça. Fait que dans le fond, dans tes projets que t'as fait, comment t'as démarré ça, mais entre autres, avec avec ton ami Nick, voilà quelques années, je présume? Ouais, moi, j'ai commencé en faisant premièrement, les oraux à l'école. C'est comme ça que j'ai commencé à faire des films, hein? Mm-hmm. Comme je suis mauvais en anglais, fait que quand t'es mauvais en anglais, tu fais des oraux dans ton cours d'anglais, puis vu que ça a pris 100 heures le faire, le prof est... Elle sent mal de donner des mauvaises notes. C'est comme ça que j'ai commencé ma carrière. on a fait des shows sur scène parce que tu sais, j'ai commencé avant YouTube, puis avant les web-séries, puis avant la facilité de mettre sur Internet. Fait qu'on faisait des vidéos drôles. Il n'y a pas grande place où on peut les montrer à part une ou deux soirées de projection vidéo. Fait qu'on a commencé à se dire, ben, non, on va les faire dans les soirées d'humour, puis au moins ça nous motive, les gens y rient, puis c'est le fun. Fait qu'on présentait des vidéos interactives. Puis on était sur scène, puis on interagissait avec ces vidéos-là en étant précis là, dans notre timing pour pouvoir parler, mettons, à l'écran. C'était dans quelle année, ça? C'est en 2005, 2004-2005. Okay. Okay. Comme vous avez fait, genre, mettons, dans une variété de coloc.tv, là, de... Ouais, c'est ça. En fait, en 2007, on a fait un galage pour rire avec ce concept-là sur scène, mais on est arrivé... Nous, ça faisait déjà 2 ans qu'on faisait des soirées, les mercredis juste pour rire, puis les soirées d'humour, il y en avait un petit peu moins dans le temps que maintenant, là. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de place aussi qui avait la possibilité d'avoir un projecteur puis une vidéo, fait que ça nous enlevait beaucoup de possibilités. Mais on a réussi à faire un galage pour rire, puis cette année-là, on a fait notre vidéo puis notre show sur scène en même temps que les Chicken Swell, ils ont fait leur numéro avec... Avec les ninjas pis tout ça. Avec les ninjas, c'est arrivé la même année. Fait qu'on est arrivé pis les gens ils faisaient « Hey, vous faites comme les Chicken Swell! » Fait que là, c'est comme si nous, on copiait les Chicken Swell quand au final, ça faisait déjà un bout de temps qu'on faisait ça. Fait que ça nous a fait un peu chier pis anyway, ça nous prenait c'est comme quasiment 2000 heures faire un numéro, là. Parce que tu sais, vu qu'on fait tout pis qu'il fallait trouver les lieux, fallait construire les costumes, les décors pis tout ça, c'était un petit peu pas très rentable pour le 200$ qu'on pouvait avoir en faisant le show, là. Puis, Attends. C'est 200$ un gala juste pour rire. Non, je pense qu'on a eu 400$. Shit. Tabarnak. Au pire, 600, là, mais c'était pas si tant que ça. Splité à deux ou chaque? Chaque, parce que c'est UDA. Ok, ouais. Mais ouais, c'est pas tant que ça. Là. Parce que sûrement. Attends. Ouais. Je reviens pas que c'est 600$. Ouais, mais nous, parce qu'il y avait la... Ça n'a pas été pour la télévision. Okay. On était au 25e anniversaire de Juste pour rire. Puis nous, on a fait l'après-midi. On a fait une soirée. Puis là, il y avait une heure de trop. Fait qu'ils ont coupé ceux de la relève. Puis on était sur le même gala que Phil Bound, la première année qu'il avait été gala, je pourrais. Fait que là, ils ont choisi Phil Bound à la place de nous en disant « Ah, c'est pas grave, vous autres, la moitié de ces vidéos, on va le mettre dans une émission de télévision à TVA, puis la partie sur scène, on la fera en sketch, mettons. » Là, quand ils sont arrivés à passer ces émissions-là, ils se sont rendus compte que ça avait pas rapport d'avoir un sketch quand tout le reste est stand-up. Mm-hmm. Fait que finalement, ils nous ont pas passé. Puis celle qui nous a remplacé, ça a été Doris Simon. Oh, oh shit! Il y a un up en qualité, là. Oh, j'ai pas de commentaire là-dessus. Mais est-ce que Doris Simon fait encore l'humour ou. Non. Je pense pas. Ben, en tout cas. Parce que son Facebook, c'est pas écrit. Il y a mais un article Doris Simon se relève qui remonte au 1er avril 2013. Ah, fait ok, que, quand même. Elle s'est relevée en 2013. Est-ce qu'elle est retombée? Je ne sais pas. Mais dans le temps, Nicolas faisait déjà des voix. Ouais, lui, il fait des voix depuis qu'il a 12 ans. Ah, ok, ok. Puis, moi, j'ai vu dans minuit le soir. Ah, shit! My God, t'es fort! Non, mais il disait, il est full sous! C'est ça sa phrase. Dans la vie. Ok, t'es très, très, très fort. Mais on le voit-tu à l'écran ou il fait juste parler? Ah non, on le voit à l'écran, on le reconnaît, puis moi, il était avec un autre gars, fait que moi, je pensais que c'était Pierre-Luc, l'autre gars, puis non, mais... Hey, mais c'est pas tout le temps un package deal, les deux, là. Non, je sais, mais ça aurait pu, là, puis moi, ça m'a fait rire, parce que je l'ai vu juste récemment, dans Minuit le soir, là, je trouvais ça vraiment drôle, là. Non, c'est quand même comique. Mais, fait que c'est ça, là, vous avez fait les galas, un gala, juste pour rire, en 2007, puis après, juste après, dans le fond, il y a eu Coloc.tv. Ouais, c'est ça. On avait des vidéos. En fait, ça nous faisait des vidéos qu'on pouvait montrer un peu à gauche et à droite. Puis on avait approché Musique Plus pour faire de quoi. Puis il n'y avait pas vraiment de place pour nous autres. En fait, on avait fait à croire à la. On savait c'est quoi le nom du gars qui chargeait des émissions. On avait fait à croire à la réceptionniste qu'on avait un rendez-vous avec lui. Oh shit. Fait que, ouais, on a fait ce truc-là pour le monter. Bon, on n'a pas vraiment de rendez-vous, mais on voulait te rencontrer. Ok, c'est beau. Puis on lui a montré nos trucs en disant ben, si jamais j'ai la place pour vous autres, on vous en reparle. Fait qu'on l'a joué comme ça, on t'a coup. C'est vraiment, c'était gutsy, mais ça marchait quand même. Ah ouais, je serais plus game de le faire, mais dans le temps, on avait rien à perdre. Ouais, c'est vrai. Mais est-ce que dans le temps, vous étiez déjà avec Comedy Shop, ou c'est après que ça s'est venu, ça? C'était après, puis justement, eux autres qui avaient Alexandre Barrette aussi, Billy Tellier, Christopher William. Ben c'est ça, c'est pour ça qu'on l'émission, c'était toute la gang de la boîte de production qui ont été ensemble, qu'on a fait une émission pour ça, en intégrant tout le monde. Puis moi, j'avais fait, dans le temps, il y avait une série qui s'appelait Too Show, qui était comme le Zoo Fest, avant Zoo Fest. Okay. Dans la série Too Show, il y avait un show qui s'appelait Les Colocs de l'humour. Puis dans Les Colocs de l'humour, il y avait Alexandre Borel d'Italie. Puis il faisait, c'est comme un peu le principe de deux humoristes qui habitent ensemble, de quoi ça a l'air. Puis il voulait avoir une vidéo d'intro, puis il était venu me voir. Fait que j'ai fait leur vidéo d'intro qui a servi de pilote pour Coloc.tv. Ah, ben c'est que ça fait vraiment, ça a comme monté une émission par elle-même, puis une émission ouais, en même temps. Ça. Puis vu que c'est moi qui avais réalisé le pilote, ben ils m'ont donné le rôle de réalisateur, mais tu sais, j'avais 21. Fait que il aurait pu dire fuck off le flow, t'as jamais rien fait. Mais c'était Musique Plus, puis Musique Plus donne des chances à tout le monde. Ouais, oh, ouais. Puis là, tu m'as déjà conté que dans le temps, Musique Plus, tu sais, il faisait pas tant de fiction que ça, là, fait que c'était compliqué comme pouvoir. Tu me contais qu'il a déjà fallu que tu montes avec ta tour à Musique Plus, comme pour faire le montage de quoi ouais, c'est ça, parce que tu sais, eux autres, en fait, la seule fiction que qu'il aurait pu avoir, c'était. Le gros show? Il y avait le gros show qui était tourné style docu, je pense, dans un des apparts de Mike Ward. Je pense que c'était tourné chez lui. C'était chez eux. Oh, ouais. C'est, ouais. Le gros show. Puis avant ça, il n'y avait pas eu le truc là, avec tu sais, comme une émission style américaine, là, le Montréal PQ. T'as pas vu ça? Je sais pas. C'est quoi ça? Tu sais, dans le temps, il y avait eu Cinéma Tweet. Il y avait eu... Le gars qui faisait, tu sais, dans le temps, là, quand, sur MSN, une des premières web télé, on parle bien gros des têtes à claque, là, mais avant les têtes à claque, il y avait la lettre. Non, la moche! Droite, la moche, c'est ça! Oh, man! Oh, oh, shit! C'était pas bon, ça! Oh, c'était mauvais, ça! Tu sais que ça allait pas bon? Mais, tu vois, le gars faisait la moche. Avant, il faisait un peu de fiction en Musique Plus. Ok, allez googler ça tout de suite, la moche, puis checker les photos, là, puis oh, voilà. C'est pas bon, la moche. Oh my god. Ben, pour les enfants comme William, là, c'est sûr. C'est dans les premiers pas dans la web télé. Fait que c'est ça, on est arrivé, puis on était les... on faisait de la fiction en Musique Plus, ils n'étaient pas vraiment habitués, donc il y avait une façon de faire très bon, mais là, ça va être en studio, non, ok, on fait ça dans un vrai appartement, ok, là, d'abord, vous voulez avoir tous les lieux prééclairés, ah non, on va rééclairer les lieux un à la fois, ok, fait que là, c'est un petit peu compliqué, puis c'est pour tout le monde. Tout le monde, c'est la première fois qu'on faisait quelque chose, c'est qu'on s'est pogné dans un demi-sous-sol, non, dans un demi-sous-sol de Schlaga Maisonneuve. C'est là qu'on a tourné ça, parce que ça coûtait pas trop cher, puis on pouvait louer la place pour 6 mois. Puis okay, la première journée... C'était pas le vrai appart d'Alex Barrette. Ben non! Oh. Mais le pilote est dans le vrai appart, si tu veux le voir un jour. Puis ce qui faisait qu'on était dans un demi-sous-sol, puis moi, là, au début, je me suis dit, moi, j'habitais chez mes parents, puis je me dis, ah ben parfait, je vais dormir là. Quand on tourne pas, ça fait un pied à terre là-bas, la vie va être belle. Fait que je m'en vais là-bas, j'installe mon ordi. Puis là, finalement, j'ai pas pu dormir de la nuit. Pour moi, j'ai pas de lit, là. C'est sûr que ça allait pas super bien. Puis le lit, puis le divan qu'il avait pris pour l'émission, c'est comme un divan qui est fait pour être cute, mais qui est pas super confortable, tu sais. Puis là, j'ai pas pu dormir parce qu'il y avait du monde qui criait dehors. Je me suis rendu compte qu'il y avait comme des prostituées sur le coin de rue qui criaient toute la nuit, puis ça m'empêchait de dormir. Fait qu'on était pas dans un super bon coin. Fait que voilà, finalement, j'ai pas dormi là, finalement. Puis on a fait une saison avant de déménager pour la saison 2 pour être dans un autre appart qui était encore à Schlaga, mais dans un quartier un petit peu moins mal famé. Mais la saison 2, c'est pas arrivé directement, ça a pris genre un an et demi. Sais-tu que c'est ça glace ou c'est que genre ça prenait juste plus de temps pour faire la saison 2? Ils ont changé de producteur, se rendant compte qu'ils n'étaient pas vraiment aptes à pouvoir produire ça, Musique Plus. Ils ont demandé à un producteur extérieur de pouvoir faire la saison 2, quelqu'un qui avait plus d'expérience. Puis ça, c'était genre... ça s'appelait comment? C'était le novembre, je pense? Ouais, c'est novembre, ça? C'est eux qui produisaient CA. Ouais, c'était l'ancienne boîte de Guy Cloutier qui avait changé de nom pour Neuven. Puis quand on était, nous, avec Couleur.tv saison 2, c'était Véronique Cloutier qui était la productrice. Ah, nice. Ouais, mais là, elle a décidé que ça ne tentait pas d'être productrice. Mais, c'est un peu à cause de ça que vous avez eu les bye-bye puis tout ça, ou ça n'a pas rapport? Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça. Ben, en fait, un des chefs au contenu, c'était Lou Morissette. Okay. Pour la saison 2, dans les scénarios, il était là, fait qu'il nous connaissait, il savait le genre de trucs qu'on pouvait faire. Fait que quand il est arrivé le bye-bye, il a dit « Ah, peut-être pour avoir un petit côté plus cinématographique, on va aller pogner ceux qui l'offraient dans Colloque.tv. » En fait, je réalisais l'émission complète, mais on avait notre segment de 3 minutes où est-ce qu'on pouvait faire ce qu'on voulait. Ouais, surtout parce que RBO, dans le temps, je pense que c'était Simon-Olivier Fecteau qui faisait ça. C'est vrai. Puis là, tu sais, c'était pas autant des grosses affaires d'effets spéciaux de grande envergure, mais tu sais, c'était quand même slick, là. Puis, dans le fond, il y a eu le Bye Bye 2008 qui a été hautement controversé, je pense. Ouais, ouais. Fait que là, il y en a plus en 2009. Ouais, puis RBO avait refait des sketchs, je pense, pour Tout le monde en parle, quelque chose comme ça, là. C'est vrai. Puis, après 2009. Mais, tu sais, ça quand même. Le fait que vous soyez. Ben, t'as réalisé les Bye Bye, ça a quand même fait que les Bye Bye, ils ont vraiment upgradé en mettant en qualité cinématographique. Avec les années, là. Ouais, mais je pense aussi qu'on est arrivé avec le changement des techniques puis des changements des caméras, là. Ouais. Tu veux pas, tu sais, le style de caméra. Tu sais, dans le temps, dans Minuit le soir, justement, c'est toujours des caméras deux tiers de pouce, comme on dit, là, ce qui fait que tout est net, il n'y a pas de flou. Puis là, quand est arrivé Minuit le soir, ils ont décidé de mettre des lentilles photo sur les... là, c'est super compliqué au début de pouvoir mettre des lentilles photos sur des caméras de même. Là, c'est super compliqué en HD. Puis à un moment donné, c'est devenu de plus en plus facile. Maintenant, avec toutes les émissions look maintenant, mais c'est à cause des caméras, tant qu'à moi, plus que... Oui, les gens sont meilleurs, mais reste que... Ils éclairent mieux, mais reste que les caméras font pour beaucoup. Ouais, mais dans le Bavaille 2006, mettons, il n'y avait pas du monde qui se promène en char sur le pont puis qui est en train de s'écrouler puis que c'est de l'apocalypse, là. Non, c'est sûr. Mais moi, j'ai commencé le Bye Bye où est-ce qu'il y avait eu Lady Gaga avec Véronique Cloutier, Lady Gaga, pis tout ça. Puis je me rappelle avoir utilisé ma 5D parce que c'était la seule caméra qui était pas encore parfaite pour la télévision, mais qui permettait d'avoir du visuel qui faisait 35 mm un peu, là. Ouais. Qui faisait pas studio, mais qui faisait cinéma. Fait que, ouais, on a commencé avec ces caméras-là. Maintenant, il y a des nouvelles caméras, mais moi, je voulais amener vraiment le côté, parce que ma référence, moi, ça a toujours été les Oscars, mettons les ouvertures que d'Oscars ou bien de MTV Awards. Oh, oui. Ils en font plus maintenant, mais tu sais, MTV Awards, à un moment donné, il a fait une parodie avec Jack Black. Oui, de Spider-Man, c'était fou ça. Puis il a fait une parodie aussi avec Justin Timberlake de La Matrice. Tu sais, il faisait des ouvertures vraiment, vraiment cool, puis il était cinématographique. Fait que moi, tu sais, quand on dit, ça me gosse toujours quand on me dit que je fais des gars spécialiste en effets spéciaux. Oui, je fais des effets spéciaux, mais c'est juste pour faire de quoi qui est de l'action. Si j'avais le budget pour faire des effets spéciaux, j'en ferais pas, tu sais. C'est pas parce que je veux en faire, c'est parce que je peux pas faire exploser un char pour vrai, faut que je le fasse à l'ordi, sinon j'ai pas le budget. Ouais. Puis là, toi, t'es encore sur le bye-bye cette année? Ouais, on y retourne. Pendant 2 ans, j'avais une émission Les gars des vues, que ça s'appelait. Oui, c'est vrai. Mm-hmm. Puis là, ça n'a pas été renouvelé parce qu'on était à Télé-Québec. Puis, il y a des coupes au gouvernemental. Ils sont fait couper. On était une des émissions qui coûtait le plus cher. Fait qu'on s'est fait couper. Mais ils vous aidaient pas non plus. Tu sais, tu m'avais raconté un moment donné qu'ils vous mettaient vraiment pas dans les spots. Tu sais, vous jouiez, je pense, vendredi soir à 9h ou quelque chose comme ça. À 7h. Vendredi 19h30, moi, c'est pas super. Tu sais, c'est le pire spot, puis... Puis le show, moi, j'ai vraiment trippé, là, en plus, de ce show-là. Là. C'était vraiment le fun, parce que, tu sais... j'avais entendu un show, là, où c'était Jean-François Bro puis Marie-Ève Janvier qui font Natural Born Killers, là. C'est drôle en tabarnak, là. Ah, moi, j'ai vraiment aimé ce show-là, puis moi aussi, je trouvais que il méritait que les gens le connaissent. Que c'est même pas... Parce que le show, il était moins bon ou n'importe quoi. C'est parce que les gens savaient même pas que ça existait. Parce que ceux qui l'écoutaient, ils l'aimaient, mais ceux qui l'écoutaient pas, ça, c'est tough de l'aimer, tu sais. C'est ça. Tu sais, dans le fond, il en parlait à la radio des fois. Je me rappelle, il en avait parlé un moment donné à la radio. Moi, je connaissais pas, honnêtement, jusqu'à tout récemment. Puis j'adore ça, honnêtement. J'en ai écouté plusieurs en rafale. Ça, je disais tantôt à Stéphane. Puis j'adore ça parce que c'est original. Il y a des bons effets spéciaux, justement. C'est basé sur des films qu'on adore tous. Puis avec des acteurs qui font pas nécessairement ce type de job-là, d'habitude. Entre autres, j'ai écouté celui avec Martin Deschamps. Martin Deschamps, il n'est pas habitué à faire ça. Là. Il n'est pas habitué pendant tout, mais c'était un des meilleurs que j'ai vu. C'était écœurant, puis ça paraissait qu'il y avait du fun à faire ça. Fait que je trouve que en même temps, en montrant l'espèce de... Tu sais, mettons, le premier 5 minutes, puisque vous préparez le show avec Corinne et compagnie, c'est comme un petit aspect humoristique. Après ça, toute la préparation, ça montre une espèce de behind-the-scenes qui est le fun. Puis voir le résultat final à la fin, c'est vraiment bon. Je trouve que c'est original, puis ça aurait du potentiel s'il y avait quelque chose, mettons, à la télé, pas à la télé, mais sur Internet ou quelque chose, s'il y a une façon d'avoir du budget. C'est ça qui est plate. C'est, je pense que c'est ça que tu disais, là, le côté budget, c'est difficile. Ouais, mais c'est ça. On avait fait ça en sachant que nous, les seules fois qu'on peut avoir de quoi de cool sur la télévision, mettons, c'est les ouvertures parce que on a un petit peu plus de budget que dans une émission normale. Fait qu'en faisant notre émission, qu'il y a une bonne partie qui était making of, mais on, mettons, sur un 22 minutes, c'est comme si l'argent, on la prenait toute, puis on la poussait vers la fin pour que ça soit le produit final. Puis que, tu sais, si on veut des cascadeurs, puis des décors, puis des effets spéciaux avec du monde qui aide en post-prod, qui normalement, t'as 3 jours pour monter une demi-heure, nous, ça nous prenait genre, je sais pas trop, là, 400 heures, mm-hmm. Faire une émission, là. Moi, c'est, juste la capsule à la fin, c'est 300 heures, là. À cause qu'il y a comme plein de personnes qui travaillaient en même temps. Mettons, si je compte, je calcule tout le monde qui a travaillé dessus, là, en temps mm-hmm. de montage, mettons. Mais, je trippais là-dessus, puis j'espère que pouvoir faire, de continuer à faire de quoi du genre au Québec, là, sans avoir besoin de m'expatrier aux États-Unis pour pouvoir faire ça. Ouais, puis moi, je crois que c'est un des shows qui faisait le plus... Tu sais, c'est vraiment hot qu'au Québec, on a eu un show de même pendant comme 24 épisodes, là. Parce que, tu sais, on dirait qu'aux States, cette mission-là, elle continuerait pendant genre 15 ans de temps, là. Ouais, comme un Mythbusters, ouais, parce que... ça serait comme un genre de Mythbusters, hein. Ouais. Mais bon. On va dire mais l'épisode, là, de Mortal Kombat avec les grandes gueules, là, ouais. Je pense que c'est pas mal mon préféré, là. Ben, on se payait des trips, moi aussi, c'est comme si on me disait, bon, parfait, tu vas faire 12 épisodes, qu'est-ce que t'aimes comme film, puis qu'est-ce que tu voudrais recréer? Fait que moi, quand j'aime un film, c'est le fun de pouvoir le recréer, parce que tu recrées des costumes, faut que tu retrouves des lieux qui ressemblent, faut que tu refasses les effets. Tu sais, on a fait Terminator, puis c'est le fun de refaire des effets en 2015, qui ont été faits en 91. 12. Fait que c'est tellement plus... 91. Puis, dans le temps, c'est super compliqué pour eux autres, puis de nos jours, c'est comme, ah, c'est tellement rendu simple ouais. De nos jours. C'est drôle de penser à ça, de la manière qu'ils faisaient, eux versus nous, comment on le fait, là. C'est vraiment le fun à faire. Moi, je trippais comme un enfant. On a fait Chérie, j'ai réduit les enfants, puis je trippais, oui. Là. Ah, on a fait le grenier, puis tout ça. Moi, je m'amusais comme un fou. Tu sais, même aussi, vous mettiez de la musique. Tu sais, c'était pas exactement la même musique que si on doit, j'imagine. Mais vous switchez juste la toune, juste un peu, pour qu'on reconnaisse clairement que c'est la toune de Terminator, par exemple. C'est. Toute l'ambiance est là en fonction que tu. Ouais, ça. Tu pitches là-dedans. C'est ça, exactement. Moi, il y a des fois que je regarde des capsules, des satiriques, que c'est. Mettons, des vieilles affaires de Coloc.tv, que je comprenais tellement pas le référent. Puis là, j'ai vu le film. Là, j'ai comme tellement catché après. Mettons, tu sais, la capsule dans Coloc.tv où que vous êtes dans un espèce de RV, puis là, c'est comme l'apocalypse de zombies. Puis OK, ouais. Puis vous avez des tattoos puis des sleeves. Puis là, vous jasez du Purel, comme quoi que ça tue pas toutes les bactéries. Ouais. Mais j'avais tellement pas catché que c'était From Dusk Till Dawn, là. Ouais, ben c'est un autre référent. Puis maintenant, moi, je sais que j'étais habillé pareil, puis j'ai le même tatouage dans le cou que George Clooney à From Dusk Till Dawn. Puis à la fin, il y avait comme une référence à I Am a Legend quand je suis dans un bain avec un gun puis un chien. Ça, j'allais le cacher, par exemple. Mais ouais, c'est ça, ben, on s'amuse, puis ceux qui comprennent le référent, ben, tant mieux. T'sais, je me suis rendu compte que finalement, quand je fais des trucs qui, moi, me font rire, au final, ça se peut qu'il y en ait une couple qui comprenne puis qui s'amuse. Puis Collect.tv, les gars des vues, saison 2. Puis un, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de parents qui l'écoutaient avec leurs enfants. Puis moi, ça m'a un peu surpris parce que c'est pas le public qui était visé. Parce que les référents, ils avaient juste pas. Mais ils s'amusaient quand même. Ouais, ça. Bon, je pense que t'as pas besoin d'avoir vu, mettons, l'œuvre originale pour apprécier le show. Mais c'est encore plus nice quand tu l'as vu, là. Ben, c'est comme on parlait des Simpsons tantôt. Moi, quand je suis arrivé en cinéma au cégep à l'université, il y a plein de films que j'ai vus. Puis, voyons, non, je connais l'histoire parce que j'avais vu dans les Simpsons, mais sachant pas que c'était une parodie quand j'étais jeune. Oh, c'est genre Citizen Kane, là. C'est l'épisode avec Bobo, puis. Monsieur Byrne, il perd son petit ours en plus, là. Ben, c'est Citizen Kane, comme un film de 1924, là. Oh, ouais, puis tu sais, The Shining, c'était ouais, un épisode aussi, j'allais dire The Shining. C'est vrai, ouais. Ah, c'est quand même assez fou, là. Thelma et Louise aussi. Ouais, Thelma et Louise aussi. Il y a plein. Je sais que tu m'as déjà dit que vous avez peut-être pas eu de la marre, mais tu sais, vu que ça ressemblait souvent vraiment beaucoup à l'original, c'était comme pas 100% comme. Ça a pas bien passé tant que ça. Tu sais, mettons Kill Bill, c'était vraiment pareil visuellement, puis tu sais, le suit à Mary Lou Wolfe était pareil aussi, là. Ouais, mais c'est ça, parce que des fois, on veut faire des parodies, puis on veut que ce soit pareil comme l'original, mais là, si c'est trop pareil, ça devient problématique. Puis toi, comme elle, il aurait fallu qu'on change maintenant la couleur, puis qu'elle soit en jaune, elle soit quand même en vert, mais les mêmes costumes, la même forme, tout ça, mais de notre couleur, je pense que ça aurait été mieux. Ou est-ce qu'ils n'ont pas pris de chance, c'était, on a fait le grincheux, puis en maquillage, ils ont fait la même face, tu sais, ils étaient pas habillés pareil, mais vu qu'il était vert, que c'est le grincheux, puis on n'a pas changé de nom, mais là, ils n'ont pas voulu qu'on mette la capsule est comme pas tant sur Internet, là. Quelqu'un a une édition complète, mais nous, officiellement, on peut pas la mettre, parce que le producteur, Lou Morissette, je pense que proche du moment où est-ce qu'il a décidé de pas le mettre sur Internet, il s'est fait taper ses doigts à cause d'un bye-bye de Lady Gaga. Ok, fait qu'il n'a pas voulu prendre de chance. Parce que, ouais, c'est que genre Sony, genre 3 ans après, ils ont vu sur Internet c'est Lady Gaga, puis ils se sont rendu compte que la toune qui jouait était une toune qui était pas mal trop semblable à la toune originale. Il y a pas assez de modifications, fait que ça va être traîné en cours. Mais en fait, je pense que la seule fois que vous avez pris la toune originale puis ça a passé, c'était l'épisode de Marie-Mé, là. Tu sais que c'était. Genre, Nicolas, il a refait des arrangements, mais comme. Ah, ouais. Tu sais, justement, vu que c'était elle qui était là, puis Fred Saint-Gelais. D'après moi, c'est pas quelque chose qui allait les déranger. Moi, ça me faisait triper de reprendre justement la toune. Genre, pour fuir. Je trouve ça le fun de mettre. Puis Nicolas, il travaille tellement fort pour faire la musique, puis tout le monde s'en calisse. Puis ça fait. Puis moi, je fais des effets spéciaux, puis les gens font des effets spéciaux, puis lui fait une super musique orchestrale qui prend beaucoup de temps à faire. Puis les gens, ils en parlent pas parce qu'ils pensent qu'on a juste pris de la musique sur Internet. Donc des fois, je trouve ça plate pour lui. Ouais, c'est ça, parce que. Parce que tout on jasait de ça l'autre fois. Puis moi, j'étais comme. On dirait que Nicolas, c'est le gars qui fait rien. C'est tellement pas vrai. Que moi, ça paraît, tu sais. Mais en même temps, il fait de l'argent. Parce que lui, il a des droits de suite. Quand il fait Coloc.tv, puis les gars des vues, puis ça tombe en reprise, lui, il a de l'argent. Parce que quand il fait de la musique, il a des droits de suite musicales. Ok. Moi, j'ai fuck all. J'ai rien. Fait que. Oh, oui. Au moins, il fait du cash. Ouais, ça, c'est comme aux États-Unis, tu sais. À Star, c'est rendu que le monde qui crée les sitcoms écrit la toune juste pour que quand ça repasse partout dans le monde, il fasse plein de cash, là. Ça, tu parles-tu, mettons, de Amateur Mother, ouais. C'était ça? Ouais. Ah ouais. Mais c'est ouais, c'est de même, mais fait que là toi dans le fond là les gars des vues c'est fini, coloc.tv c'est fini, les bye bye tu continues encore à travailler dessus, mais là ça serait quoi mettons le prochain gros projet mettons qui s'en vient là, pour les satiriques ou juste pour toi mettons là. Mais moi là, personnellement j'ai jamais pu le faire, mais j'ai commencé à faire de la pub. Ok. J'avais jamais pu le faire parce que j'avais pas le temps, puis là, on voit puis, vu que j'ai quand même un bon comparativement à d'autres réels de pub. J'ai vraiment beaucoup de référents puis beaucoup de visuels. Fait qu'ils viennent me voir précisément pour qu'est-ce que je peux faire. Comme là, je vais faire sûrement une pub d'ailes de poulet style Super Bowl parce que c'est comme style amateur mais avec des grosses conneries. Parce que j'ai fait à un moment donné une. J'avais participé au concours Doritos où est-ce qu'il fallait faire. Avec Christo, une pub Doritos. Là, c'était avec Alexandre Champagne puis il se battait sur l'autoroute. Puis il y avait comme les chars qui passaient puis en plein milieu des chars qui promenaient. On était allé tourner pour vrai sur une autoroute à 3h du matin. Puis là, on a racheté à l'ordi les voitures, puis c'est super dangereux quand même. On est arrivé comme 5e, là, c'est comme Canada Wide, là, mais on s'est fait battre par une fille que son thumbnail est en bikini. Fait que ça fait chier, la capsule était pas bonne, mais elle est en bikini, l'esti. J'aurais fait que des filles en bikini se battent sur l'autoroute. Bon, on aurait gagné, mais qu'est-ce que tu veux? Avec des chats dans les mains. Mais en faisant ça, justement, j'ai fait de la pub. Je commence à faire de la pub. Là, je me fais appeler pour une nouvelle série télé que j'ai pas le droit d'en parler encore. Puis sinon, je travaille sur un long métrage. Parce que moi, la prochaine étape, c'est vraiment le long métrage. Fait qu'on a notre idée de long métrage. Puis là, on est à l'étape de trouver le distributeur pour avoir ça, passer un an sur l'écriture pour se faire financer. Donc, un film avec de la bataille, de la science-fiction, peut-être des super-héros, hein, nice. En parenthèse, ouais. Québécois. Fait que j'aimerais ça parce que s'il y a bien quelqu'un qu'il faut qu'il le fasse, c'est moi. Parce que sinon, ça sera jamais. Beaucoup. Ben, dans le sens que ça ferait chier que quelqu'un le fasse avant moi. Là. Je trouve que j'ai l'expertise pour ça précisément parce que ça fait comme quand même 10 ans que je travaille avec des cascadeurs puis que avec des rigueurs, des maquilleurs d'effets spéciaux puis des monteurs pour trouver des façons de faire qui coûtent pas cher pour avoir des résultats qui sont vraiment intéressants. Mais peut-être un moyen pour avoir du financement, c'est que tu trouves un film québécois pas connu puis là tu fais une suite, fait que là vu que c'est une suite t'as un financement. Ouais. Mais vu que t'as pris des cours d'anglais cet été, c'est une option que t'envisages de. Mais ce long métrage-là, au début, je me suis dit, ok, je vais me mettre style Quickstarter ou j'essaie de trouver une façon de le faire de mon côté. Mais en même temps, je me suis fait dire, oui, mais là, si tu veux réaliser un film en anglais puis t'as jamais rien réalisé en long métrage, il va falloir que tu les convainques que c'est toi la meilleure personne. Ah, okay, mais si au moins t'as une référence de film que t'as déjà fait, même si c'est pas en anglais ou n'importe quoi, tu peux montrer que t'es capable de faire raconter une histoire en une heure et demie avec des acteurs et tout ça. Fait que je me suis rendu compte que c'est peut-être mieux de le faire dans un contexte où est-ce que je le fais au Québec, avec le public québécois. Que tu vas utiliser l'efficacité du film, dans le fond. Ouais, puis moi, mon but, c'est que ça soit vraiment, vraiment cool. Je sens qu'il y a des batailles à la Jackie Chan mélangées avec des effets bien pensés à la matrice. Puis comme tu mélanges ça ensemble, tu arrives avec un contexte, un truc dans un contexte québécois. Puis surtout que je me suis rendu compte, je savais pas, parce que en télévision québécoise, je pense que la raison pour laquelle notre génération... il s'en fout un peu, c'est parce que le public cible, il est toujours en haut de 50 ans. Fait qu'on, on fait pas, on n'est pas dans le public cible, mais je me suis rendu compte. Mais c'est vrai, c'est tellement vrai, là. C'est. Puis ben, on avait écrit une série télé, nous autres, il y a à peu près 5-6 ans, aller-retour, qui se passait dans des clubs vidéo, qui se passait plus rien, parce qu'il n'y a plus personne qui va à des clubs vidéo, t'sais. Puis là, on s'est rendu compte que le public cible, c'est genre du 17 à 35, mettons. Puis c'était pas payant pour les pubs, dans le fond. Mais 17 à 35, c'est pas assez au Québec. Faut que tu fasses du 17 à 65. Tu sais, je pense qu'en ce moment, le seul qui réussit à avoir ce créneau-là, c'est ces gars-là. Ouais. Tu sais, les Beaux Malaises, c'est plus large. Mettons, Avrac 2, c'est un petit peu plus jeune. Fait que, tu sais, le seul qui va un peu plus large, pour moi, c'est ces gars-là. Puis ça, c'est à V. Là. Puis il y a juste ce créneau-là, puis il n'y a pas d'autres fictions à V. Là. Ils ont le budget pour seulement une fiction. Fait que, en même temps, Sugar Sammy, il apporte quand même gros de public. Là. Ouais, c'est ça, quand même. C'est vrai. Fait que, tu sais, pour dire que, au cinéma, par contre, ceux qui vont plus au cinéma sont plus jeunes, c'est de 15 à 35. Qui vont au cinéma plus souvent que les vieux. Fait que, si tu as un truc au cinéma qui va viser cette population-là, c'est le créneau qui est le plus populaire. Fait que les gens sont plus portés à accepter, même si tu vas pas viser le gars de 50 ans. C'est pas grave. En télévision, c'est grave, au cinéma, c'est pas si grave. Mais en cinéma, mettons que tu t'es KO TV, là, pis que t'as la même campagne marketing que Le Mirage, mettons, là. Ben, c'est avec eux autres qu'on est en ce moment. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y aurait quand même du potentiel pour qu'il y ait un grand public qui y aille, là. Ouais, ça, mon but, c'est ça va être super grand public, là. C'est juste que, ils disaient que les jeunes de 17 ans, pour qu'ils disent à leurs amis, « Hey, on va aller au cinéma voir un film québécois », faut vraiment que le film soit précis, là. Mais tu voudrais qui dans ton film? Ça, c'est difficile parce que... Moi, j'aimerais ça quelqu'un qui sache... Parce que je veux qu'il fasse ses propres cascades, là. Mais je veux pas Guillaume Lévesque vierge. Puis c'est drôle parce qu'on se posait la question... on se posait la question, c'est qui les personnes qui sont super populaires dans la trentaine, gars? Il y en a pas tant que ça, là. Ben, c'est ça. L'artiste, t'en as pas à 30 ans, là. Faudrait que t'aies un humoriste, genre. Ben, c'est quasiment ça. Mais tu sais, les humoristes qui peuvent jouer les émotions... Hey, c'est pas Louis-José Hood qui va faire Alex ça. Barrette comme star de ça. Louis-José Hood aussi, je sais pas, il est comment en émotion, mais j'ai entendu dire qu'il allait faire un long métrage sur récemment. Là. Ok. Ça sent la coupe ou je sais pas trop quoi. Aucune idée. C'est tiré d'un livre, là, en tout cas. Ça pour dire que, oui, moi, ça me prend un humoriste, en effet. Tu sais, c'est quoi, c'est Philippe Bound, c'est. Mais en même temps, il est-tu capable de jouer? Il est-tu. C'est pas évident, là. sais, parce que c'est correct. Parce que, ah, ouais, en tout cas, je donnerai pas mon scénario, là, j'allais donner des trucs de scénario. mais reste que justement, tu sais, 30 ans, 40 à 50, 50 à 60, tu sais, t'as les Claude Legault, puis les, même les Guillaume Lézière. T'as des gars dans la vingtaine, mais t'as pas de gars de 30 ans, c'est vrai. Moi, je veux quelqu'un, genre, début trentaine, mais là, ils vont dire, on veut un gros nom, ok, mais. Ouais. C'est qui les gros noms, la début trentaine? Ah, surtout que tous les humoristes qui actent vont en France, là. Ouais, c'est ça. Mais Grondin, on dirait que je le vois pas en comédie. Moi non plus. Ouais, mais de toute façon, ça fait un bout que je l'ai pas vu non plus. Je suis sûr que je suis pas sûr avec ça, mais... Il joue dans Goon, qui est une comédie. Ah, c'est vrai. Mais lui, il a pas le rôle de comédie. Lui, il joue super vrai, son rôle. Mm-hmm. C'était bon, Goon, by the way. C'était super bon, Goon. Tu l'as pas vu, ce film-là, là? Oh, non, je l'ai pas vu, mais il est dans ma liste. C'est le genre de film que... J'écoute dans les parties, pis tu sais, dans les parties, quand t'écoutes un film en faisant d'autres choses, pis que les gens ils continuent d'écouter le film, c'est que le film il est bon en maudit. Il est bon en maudit, ce film-là. Ouais. Sérieusement, Sean William Scott dedans, il est merveilleux. Ouais, il joue le con, mais avec intelligence, donc c'est cool. La fin, là, j'ai comme braillé un peu pour vrai. Pour vrai. C'est drôle parce que Nicolas fait Jerry Rochelle en français. Ok. Pis. C'est la première fois qu'il pouvait sacrer pis dire « Tabarnak, si on dirait que t'es menstrué de la face! » Pis là, il arrivait pas à sacrer pis dire « Crise de tabarnak! » Fait qu'il fallait pas qu'il y ait un accent fait, international non plus. Ouais, c'est ça, pour vrai que tu sois super québécois! Fait que c'est intéressant pour lui. Mais... C'est bon, avez-vous d'autres questions pour Pierre-Luc? Est-ce que vous avez déjà écouté Contrat de gars? Ouais, c'est mon autre truc que j'avais fait. Check le segway que tu viens de faire. Mais là, moi, ma question, là, c'est comment que vous avez vendu ça à Corinne qu'elle allait faire Denis le gars de son? Ah, pas juste Denis le gars de son, Denis le gars du maquillage, Denis le gars qui mange des sandwichs, Denis tout. Là. En fait, c'est quand même drôle parce qu'à la base... Moi, j'étais avec Comedy Shop, qui était la boîte de gérance. On était, que ça fait, William, Alexandre Barret, Billy Tellier, Charlie Pop, puis les satiriques. Puis, trois nouveaux sont arrivés cette année-là, qui venaient sortir les gars de l'humour. Corinne Côté, Alexandre Champagne, puis Simon Cohen. Fait que là, ils ont fait un parfait. Bien, on va vous faire un... Avant de vous engager, puis signer avec vous, on va vous passer un 2-3 mois, puis on va vous faire travailler, on va faire des capsules. Fait que là, moi, j'étais entre deux saisons de Coloc.tv, puis on dit, ben, si t'attends de faire des capsules avec ces personnes-là, on va te donner tant d'argent, puis tu vas en faire 10. Je leur dis, parfait. Puis, dont une, ils ont dit, ben, ça va être une fausse émission, genre testostérone, puis c'est des gars vraiment intenses qui font juste crier. Ok, parfait. Fait qu'on tourne ça. Mais là, c'est des gars, puis là, Corinne était là aussi dans le trio. Fait qu'il y a un pilote qui existe avec Simon Cohen, puis Alexandre Champagne. Fait que là, ben là, déguise-toi en gars, pis tu seras Denis, le Sandman. Ok, parfait. Fait que là, c'était Denis le Sandman. Pis là, quand on a fait un autre épisode, finalement, Simon Cohen, lui, il est parti de Comedy Shop. Alexandre Champagne, il y avait un ami d'impro qui était... Joe Roberge. Fait que là, il est venu, pis là, il dit, ben écoute, Corinne, reviens pour faire Denis, pis tu vas toujours faire un truc différent. Ok, parfait. Tu sais, la première fois, pour son maquillage, il avait comme une barbe, pis il a comme juste fait... brûler du bois pis elle s'est foutue dans la face de la suie parce qu'on avait pas de maquillage. C'était quand même drôle. Mais là, Joe Roberge, là, comment qu'il prenait ça de s'asseoir sur une tank de propane à chaque émission? Il y a un coussin, hein? Au début, il y avait pas de coussin pis il y avait vraiment mal au derrière. Mais c'est sûr, il y avait des patins de cuir qui respiraient pas fait qu'en plus, c'était collé. Fait que là, à un moment donné, je pense qu'ils ont pris genre un bout de siège de char puis ils l'ont mis là-dessus puisque c'est un coussin mais en même temps c'est un bout de char donc ça fait quand même plus viril puis c'est ça qui est ça ben il y a quand même Alex lui qui était toujours sur un pneu en équilibre là. Ouais. Les deux ils étaient toujours sur des conneries c'est quand même drôle à quel point maintenant je fais de la pub les fois comme là le directeur artistique puis là je fais comme directeur artistique on était trois nous autres fait que c'est ça qu'il va être dans le fond puis on va acheter une revue de cul, puis on va coller sur le mur. Ouais, il y a genre des posters de cul sur le mur. Là. Ben ouais, puis il n'y a pas de problème. Puis à un moment donné, on voit les seins. À un moment donné, il a fallu comme cacher les seins quand c'est rendu à V. Mais sinon, sur YouTube, il n'y a pas de problème. Mais... Ouais, c'est ça. Comment que c'est passé de contrat de gars à vie de vrai gars? C'était pour faire un peu différent. OK. Puis les autres se posaient la question. Ah, mais ces gars-là, ils font genre un magazine mâle, mais à quoi ça ressemblerait s'ils étaient... Dans leur vraie vie. Dans leur vie de tous les jours. Puis moi, ça m'a fait triper, parce qu'en tant que réalisateur, Contrat de gars, tu sais, je pense qu'on avait trouvé une bonne formule de montage, puis de côté rythme. Puis moi, comme chaque réplique, j'ai entrecoupé, dans le sens que la réplique de une était entrecoupé de l'autre. Et comme, il y avait un petit peu un overlap, parce qu'au début, ça faisait rire que ça soit tellement désagréable à écouter que ça devienne drôle. Puis finalement, les gens, ils ont quand même continué d'écouter, même si c'était désagréable. Je pensais que les gens, ils allaient faire comme, oh boy, une fois ça va, mais après ça, c'est trop. Mais non, les gens, ils embarquaient quand même. Je me suis tapé comme les deux saisons, le samedi passé. Pis genre, okay. 15 minutes back-à-back de... Oh! Ouais, ça ouais. Gosse un peu. Ça, c'est clair. Les gars aussi, la journée de tournage était vidée après la journée, on s'entend. Là. C'est sûr. J'imagine qu'il n'y avait plus de voix à donc, fin. Ouais, ça, des fois, on faisait comme saison 2 puis 3, on a fait des... Mais des c'est, journées. C'est surtout Joe Raberge qui arrêtait pas d'être comme vraiment mal, puis... ouais, d'être... Fait que non, c'est vraiment fun à faire. Surtout que moi, c'est, par exemple, ce que j'ai moins aimé, c'est que, tu sais, je participais quand même. Il y avait beaucoup d'improvisation. Il y avait beaucoup, tu sais, comme le. Il y avait comme un scénario d'écrit, mais souvent à moitié. Puis il y avait beaucoup d'impro qui se faisaient au tournage. Puis moi, je gardais ce qui fait plus réagir les gens. Je mettais un style là-dedans. J'étais un peu l'entonnoir des blagues pour arriver à garder le meilleur, tu sais. Puis comparé à ça, mettons, à Coloc.tv ou à d'autres choses. Après ça, mettons. Le fait que j'avais été aussi souvent devant la caméra, quand on faisait contre de gars, ben, il y avait comme complètement une abstraction, puis quand on arrivait sur le tapis rouge, ben, on me disait de sacrer mon camp parce qu'on voulait les photos des deux gars, tu sais, pour par rapport à ça. Fait que j'avoue que. Puis aux Olivier, t'as pas eu le temps de faire tes remerciements. Ouais, c'est ça. Fait que c'est un peu la dernière fois que j'ai fait un projet où est-ce que j'étais pas au scénario. Parce que moi, quand je suis au scénario, on dirait que j'ai plus ma place. Ça me dérangeait pas parce que les gars étaient très, très, très talentueux, mais reste que. Après ça, j'ai fait les gars des vues, puis mon projet, puis j'ai plus travaillé sur des projets auxquels je participais créativement à l'écriture aussi. Mais une vie de vrai gars, c'était sur V? En fait, c'était sur V à la troisième saison. Donc la 1 et la 2, 1 sur YouTube, 2 sur YouTube, en même temps sur Twitch Web, puis la 3 était sur V. Ils ont pas fait de censure zéro, là. C'est juste que c'est sur vie, il fallait l'enlever de YouTube dans ce temps-là. Mm-hmm. Puis moi, ça faisait triper de faire des trucs cinématographiques. Quand c'est arrivé avec l'idée, je voulais avoir une façon de faire du temps de mettre la caméra vue des VV. Puis je suis super content. Je me suis dit, on va mettre de la cinématographie. Je pense que c'est une des premières aussi séries web qui se voulait avec un visuel léché. Oh, ouais, parce que dans le temps, c'était les séries. Tu sais, il y avait les vlogueurs. Il y avait une couple de séries web, mais vraiment pas tant que ça. Puis, il y avait vous que c'était quand même slick, là. Mais là, c'est parce qu'ils sont rendus crissement tough, je trouve, à trouver. Ah ouais? Vu que ça a été éparpillé, genre, enlevé de YouTube, remis sur YouTube. Là, ceux qui sont sur YouTube, je pense, c'est même plus vous autres qui les a mis là. Parce que, tu sais, à un moment donné, on est rendu à 8 millions de views. Ça a vraiment pogné cette émission-là. C'est fou. Puis, qu'est-ce que vous avez capoté? Surtout Joe Roberge. Même avec Piston, il y a le même problème. Parce que Piston aussi, on s'est remonté à 7 millions de views, là. C'est super populaire, c'est arrêté partout, mais quand, mettons, le Journal de Montréal ou la presse disait comme « Oh, un nouveau truc arrive sur nos web-séries, les seuls qui ils parlaient jamais de contre de gomme sont de loin les plus populaires, ils parlaient toujours de les chroniques de marins indignes, c'était comme un succès populaire, pas un succès médiatique. Puis un moment donné, Fiston s'est ramassé sur Illico Web, ça a comme tout disparu de YouTube, je pense aussi. Je sais pas, en tout cas, il y en a vraiment moins sur YouTube. Sur YouTube. Moi, c'est d'autres mondes qu'ils ont trouvé, puis ils trouvent une façon de le mettre sur Internet, puis là-dessus. Comme Coloc.tv dans le temps. Mais moi, j'avais pas le droit, tu sais. Puis c'est d'autres que. Cette anecdote de même. Coloc.tv, c'est la première émission québécoise, à ce que je sache, qui a été complètement disponible sur le web. Puis dans le temps, les gens disaient, c'est quoi, c'était là. Pourquoi mettre une émission complète sur Internet? Les gens n'y croient pas à la télévision, c'est donc mettre de la marque. Puis maintenant, c'est rendu tout le monde le fait, mais dans le temps, j'avoue que c'était révolutionnaire. Mais oui, c'était top d'entendre des éditions sur le site de Musique Plus. Le site de Musique Plus, c'était quand même. Tu sais, c'était pas YouTube, là. Ils protégeaient leurs vidéos quand même, là. Mais il y avait de la pub aussi, fait que ça allait quand même. Tu sais, c'était pas genre gratis tant que ça, là, vu qu'il y a de la pub et tout. Ok, ouais. Mais. Ouais, Coloc.tv d'ailleurs, il y a un épisode qui manque un bout, puis que. Genre. L'épisode 6, tu sais, dans saison 1, je pense que pense qu'il y a un vol à l'appartement de Billy puis d'Alex. Puis cet épisode-là, c'est ça de musique plus, je pense, de vidéo chier dans le temps, fait qu'il manque genre 1 minute et demi de cet épisode-là. Qui est le seul épisode des deux saisons que j'ai pas réalisé. Shit. Parce que la productrice, elle travaillait trop, puis elle me dit « je te donne un congé forcé ». Elle voulait pas que je travaille parce que, tu sais, veux pas, je réalisais, je jouais dedans, je faisais le montage, on écrivait dedans, puis elle trouvait que c'était trop, j'avais pas une face de gars qui était en santé, là. Ouais, malheureusement. C'est qui tes inspirations? La raison pour laquelle on fait cette série, c'est à cause de Naked Gun, que dans Télépresse, dans le temps, quand c'était des films de celle-là, plus des spoof movies, mettons, en anglais. À la Scary Movie, tout ça. Dans le ouais, film. Scary Movie, c'est un petit peu moins bon. Mettons, plus les vieux, les genre Top Secret. Genre Top Secret. Spaceball, que j'aimais plus. Moi, c'est le genre de film qui faisait beaucoup rire, avec beaucoup d'humour visuel. Ce qui fait que mettons, en ce moment, Edgar Wright, j'aime bien, parce qu'il y a beaucoup d'humour visuel. J'aime bien, en ce moment, je me base un peu sur le style... de Matthew Vaughn qui a fait Kick-Ass puis qui a fait Kingsman. Une espèce de dans ce qu'on dirait qu'il embrasse le style qu'il utilise, en même temps il parodie, c'est comme quand il arrive un truc trop cliché, il dit c'est précis, il assume qu'il est dans ce style-là, fait qu'il joue avec les codes du style qu'il fait, mais en même temps, c'est pas une parodie parce qu'il aime le style. Tu vois qu'il embrasse le style. Quand il fait Kick-Ass, il aime les films de super-héros. En même temps, il y avait des clichés des films de super-héros qui gossaient, fait qu'il en a fait part à travers sa réalisation et le scénario. Fait que je trouve ça intéressant. C'est le genre de truc que je veux faire. Aussi, j'aime beaucoup les styles cinématographiques, mais en même temps, je suis conscient des clichés. Ce qui fait que c'est clair que si je fais n'importe quel film, mettons qu'on a pour un long métrage, le style que je vais utiliser, Quand je vais arriver dans un cliché, je vais être au courant de ça, puis au lieu de faire « Ah, fuck off, c'est pas grave, le cliché », je vais l'assumer, soit je vais l'exagérer, ou soit je vais aller, quand on pense qu'on va aller à droite, parce que ce style film-là, normalement, va à droite, mais moi, je vais aller à gauche pour déstabiliser les gens. Puis c'est vraiment le style de film que je veux faire. Parce qu'en ce moment, j'ai tous les styles possibles avec les émissions tout ça. Fait que maintenant, il faut juste que je puisse trouver lequel de ces styles-là est celui que je veux utiliser. Dans le fond, tu parlais de tes inspirations. Vite de même, c'est quoi les des séries ou des films, que ce soit québécois ou autres, que t'as vraiment adoré, là, tes favoris là, que t'as vus dans ta vie, s'ils te viennent en tête? Mettons québécois, moi c'était crazy, mais juste pour la réalisation, parce que l'histoire est le fun puis tout ça, mais reste que c'est un des premiers films que je disais ah ok parfait, il y avait comme des effets spéciaux, puis il y avait un morphing à un moment donné, puis il y avait caméra sur une grue qui montait super haut, puis il y avait comme la scène dans l'église ou ce qui est comme ouais c'est ce qui vole, tu sais, pour moi c'était une façon, je trouve, de réaliser avec créativité. Puis au Québec, je trouve que ça manque beaucoup. Récemment, je suis allé voir au cinéma Paul à la plage, donc Paul à Québec. Paul à Québec, puis j'ai pas resté jusqu'à la fin parce que je me disais, ok, c'est quoi que t'as à me proposer qui est différent? Là, je vais écouter un film pendant 2 heures, faut que t'aies une proposition différente. Ok, non, une famille qui jase, une famille qui est pas contente. Ok, fuck off, je te donne 10 minutes encore. Bon, le 10 minutes est passé, j'ai quitté en me disant, coudonc, pour moi, il y a pas rien de différent à m'apporter de ce film-là. Tu sais, on dirait que j'aime, moi, quand la réalisation est un atout, puis amène le film plus loin, et pas juste une... Elle fait pas juste transporter, elle l'amène plus loin qu'est-ce qui pourrait être normalement être plate, là. Parce que, fait que dans mes films, j'ai bien aimé, moi, que Back to the Future, c'est mon film préféré, le premier. C'est aussi à cause de Voyage dans le temps. J'aime les histoires qui sont pas réalistes, parce que quand c'est trop réaliste, j'avoue que je sors pas du cinéma en me disant « Wow, c'est bien pensé. » Je vais juste faire comme « Ah, tiens, des émotions qui calquent la vraie vie. Ouais. Ah, c'est comme la vraie vie. » Mais tu sais, ouais, c'est comme rendu, le monde tripe beaucoup trop sur le réalisme. Ouais, l'hyper-réaliste, là, c'est le fun, mais... Tu sais, c'est comme, comme CA. Est-ce que vous avez vu le film Le Mirage? Oui. Tu sais, le Mirage, c'est fait par... C'était écrit par Lou Morissette. Tu sais, Lou Morissette, il a fait CA, puis de ce temps-là, j'écoute des reprises de CA à RTV. Puis, je trouve que c'est bien réalisé, puis il y avait comme beaucoup de jokes de mise en place, mise en scène, on revient dans le temps, on freeze frame l'image, puis comme tout le monde est en statue, puis il se promène là-dedans, puis il jase. Je trouve ça vraiment intéressant, parce que outre les propos, c'est le fun à regarder, mais dans le Mirage, j'ai tellement voulu faire ça super réaliste que pour moi, toute cette partie-là, créatrice, puis intéressante, je l'avais pas. ça m'a déçu. Ah, puis moi, je trouvais que le Mirage aussi, ça s'adressait à une espèce de... On dirait que ça assumait que le public était cave, là. Un peu, là. Tu sais, le film, c'est un peu sur la surconsommation, puis comment le monde, en tout cas, ils dépensent trop, puis ils sont aveuglés par tout ça. Puis dans les 45 premiers du film, t'as comme 58, hey, regarde comment ils dépensent trop, là. Tu sais, à un moment donné, j'ai catché, là, des croches, là. Ouais. Mais, bon. Ouais. Mais j'ai jamais vu CA, tu recommandes-tu d'écouter ça? Ouais, oui. Ben pour vrai, oui. C'est genre le truc que si t'as de l'opportunité dès le départ, tu sais pas trop. Mais je me rappelle que quand 2.tv a commencé, c'était la série qui était la plus réécoutée, parce qu'il y a plein de gens qui apprenaient qu'elle existait maintenant, puis que t'as 4 saisons à écouter. Puis c'est vraiment, c'est rythmé, c'est des 22 minutes. Moi, j'ai retrouvé un peu de How I Met Your Mother là-dedans pour le côté, un groupe de 4. Oui. Puis là, il raconte des histoires. Hey, tu connais pas la. Comme moi, récemment, j'ai ri au bout parce que il y avait une scène où est-ce que c'est un gars qui va. C'est Antoine Bertrand qui va porter la fille chez elle. Puis là, il ferme le moteur, il détache la ceinture. Puis là, les autres, comme, what the fuck, qu'est-ce que tu fais, man? La théorie de la ceinture. Fait que là, un peu comme dans How I Met Your Mother, où est-ce qu'il y avait des théories qui expliquaient par rapport à la relation de couple, par rapport à Cruz. Il y a beaucoup ça aussi dans CA, puis c'est vraiment intéressant. Mais. C'est des... ouais. Moi, je trouve. Bah, je vais peut-être te mettre quelqu'un à dos, mais fuck it, là. Moi, je trouve que. Moi, je trouve que Louis Morissette, il devrait comme arrêter de s'écrire des rôles de macho, de genre... je sais pas trop comment l'expliquer. Ouais, de genre... ouais, tu comprends ce que je veux dire, là? De macho cool qui a un peu raison d'être macho, là. Ouais, non, mais c'est sûr que ses rôles ressemblent souvent quand il s'écrit des trucs, là. Il y avait le macho, le fif, le jeune. Après ça, dans CA, il y avait le macho. Et là, ensuite, dans... est-ce que c'est d'autres rôles dans les Mirages? Y'en a-t-il d'autres depuis? Je sais pas. Il jouait un méchant dans un film. Sur scène, j'ai pas vu le show Les Morissettes, mais j'assume que ça doit être un peu ça. Là. Bon, ouais, c'est sûr. Mais là, c'est sûr que la fille est fifille, puis le gars est gogol. C'est très stéréotypé comme show. Là. Mais il avait fait un méchant dans le film Liverpool. Ok, c'est quoi ce film-là? Bon, il est pas aussi méchant que le méchant fait par Martin Matt dans Nitro, là. Il n'y a pas de barbe non plus, mais ça faisait un anti-casting, parce que c'est rare qu'on voit un anti-casting en effet. Au moins là-dedans, il y avait un anti-casting. Je savais même pas que ça existait de Liverpool. Ouais, il y a comme une scène de manifestation, puis de jeunes qui se textent puis sur Facebook pour manifester ensemble, c'est bien beau. Oh, ils sont tellement 2012, là. Ouais. Great. Okay. Ben, est-ce que vous avez d'autres questions, guys, à Pierre-Luc? Moi non, toi Stéphane? Attends, là, j'essaie d'y penser. Mais... en tout cas, je trouve ça cool que vous ayez regardé les trucs que j'avais fait. C'est parce que, tant qu'on lag.tv, des fois, ça tombe un petit peu dans l'oubli. Ouais. Je suis comme, oh, j'ai fait un show dans le temps, Musique Plus, puis les gens qui l'ont pas écouté, ben, c'est comme si ça n'existait pas. Fait que c'est le fun de savoir que c'est encore présent dans la tête des gens. Ben, c'est dans mon temps de jeunesse aussi. J'ai à peu près ton âge, Pierre-Luc. Fait que quand ça a commencé à jouer à Musique Plus, j'étais comme fin d'ado au début d'adulte, mettons. Puis c'était comme, je trouvais ça réellement révolutionnaire pour la télé québécoise. Puis je trouvais ça vraiment, tu sais, j'aimais vraiment ça. Puis, fait que, quand j'ai su que tu venais au show, j'étais comme, j'avais comme le goût de me retaper toutes les colocs.tv parce que j'ai vraiment eu du fun pour tout le monde, Alex Barrette et compagnie, mais aussi pour vous, pour Christopher Williams et compagnie. C'était vraiment, j'ai vraiment aimé ça. Fait que, j'étais bien content qu'on parle de colocs.tv justement. Puis que je pense que je vais les réécouter sur YouTube justement. On avait zéro budget, mais on a quand même... je trouve que c'est beaucoup Billy Tellier qui faisait le scénario. Là. Mm-hmm. C'est dans le sens que... je pense pas... Alexandre Barrette, il avait moins la capacité à pouvoir écrire pour la télé. T'sais, il pouvait écrire des gags. Il arrivait, puis il y avait comme sa liste de gags qu'il donnait. Puis les deux, peut-être, au final, ils écrivaient le même nombre de gags, mais la structure, puis la façon de faire des gags de flashback tout ça, ben c'était vraiment Billy qui arrivait avec sa façon de faire. Fait que bravo à Billy, qui est comme quand même une machine d'écriture. Je sais pas si tu l'écoutes à la radio, mais il produit beaucoup en une journée. Ce gars-là, ça a pas de sens. Ça. J'aimerais ça. Si mettons il y avait un sitcom à faire au Québec, c'est clair que je voudrais avoir Billy comme un des writers. Ouais, surtout s'il écrit beaucoup, ça veut dire qu'il aurait la capacité probablement. Il y a bien du monde qui ont peut-être pas la capacité de le faire. Là, fait ouais, que, ça, t'sais, déjà, t'sais, c'est au Québec, chose, souvent, tu sais, la question pourquoi les sitcoms au Québec, ça marche pas tant que ça versus les États-Unis, là. Tu sais, puis à chaque fois, les gens, ils répondent, là, aux États-Unis, ils ont 14 writers, puis nous, on n'a pas le budget d'avoir 14 writers. Puis on disait que je pense qu'il y avait quand même beaucoup de writers pour SLN. Ouais, il y en avait 4-5. Pour SLN Québec. jusqu'à 5, ou même moi j'ai entendu dire qu'il avait trouvé une façon de faire aussi travailler avec les finissants de l'école en stage ou quelque chose pour avoir plus de personnes qui travaillent là-dessus. Mais je pense qu'il y avait 4-5 officiels, puis il y avait du monde autre qui soumettait des affaires. Là. Ouais, c'est ça. Ben, c'est un peu la problématique au Québec parce que. Tu sais, on voit les shows d'humour, puis ils sont vraiment bons, nos humoristes, puis ils peuvent rivaliser avec des humoristes à travers le monde, je trouve. Mais en termes d'humour télé ou humour cinéma, c'est toujours un peu... T'as-tu l'impression que t'as le respect qui t'est dû comme humoriste? Ben, pas tant, parce que c'est ça, là, à chaque fois que les gens font « Ah, ils me voient comme un gars qui fait de la post-prod. Ah, je suis un technicien d'effets spéciaux. » Ça fait chier un peu, parce que, tu sais, les effets spéciaux, c'est juste parce que j'ai une idée... qui est compliqué, puis la seule façon d'arriver au bout de mon idée, c'est d'utiliser des effets spéciaux, parce que je veux aller en Italie, je peux pas, fait que c'est en green screen. Fait que, au début, quand on faisait de la scène, c'est sûr que c'était plus facile, tu sais, moi, comme la plupart des humoristes de scène, on se connaît, à cause du temps où est-ce que je faisais de la scène, où je faisais des web-télé avec bien des humoristes, et j'ai commencé en faisant des vidéos pour des humoristes, pour de l'humour, puis veux pas, la manière qu'on écrit, tu sais, pour le bye-bye, on écrit sur le bye-bye, on fait partie des 10 writers, tu sais, ou des 8 writers qui sont là-dessus. Fait qu'il faut quand même qu'on prenne notre place. Fait qu'en termes d'écriture, on est capable d'écrire de quoi c'est pas comme, c'est un réel qui écrit. Je veux dire, c'est quelque chose qui se tient. Puis le fait qu'on réalise, c'est sûr que ça fait en sorte que dans notre scénario, c'est teinté de, il va y avoir telle scène que personne n'aurait osé écrire normalement parce que c'est trop compliqué ou trop bizarre. Puis moi, vu que je sais comment je vais le réaliser, ben je me permets d'écrire tel ou tel truc. Fait que c'est pour ça que, mettons, pour le bye-bye, ça nous permet d'aller beaucoup plus loin. Mais, on écrit nos capsules, puis on fait nos jokes, puis tout ça, mais on dirait que... Vu que je fais tout moi-même, je serais pas game, mettons, d'être writer pour quelqu'un d'autre, là. Okay, je serais pas game de faire du montage pour quelqu'un d'autre non plus. Fait que tous les trucs que je fais, c'est toujours moi qui travaille à tous les niveaux. Mais le problème, c'est que ça devient trop personnel, puis là, rendu là, je mets des heures de malade dessus, même si je suis pas beaucoup payé. Ça, c'est mon problème. Mais un jour... Au moins, t'as la fierté à la fin d'avoir dit, ben, c'est moi qui ai fait... Avec l'aide de Nick, mais je veux dire, toi, quand t'as fait ton projet, c'est tu l'as fait de A à Z, fait que t'as cette fierté-là au moins. Là. Mais ouais, t'as-tu la... fun pour la montrer. T'as-tu l'espèce de philosophie à la Robert Rodriguez qu'il faut tout que tu fasses toi-même, dans le fond? Non, vraiment pas. Si j'avais du monde pour m'aider, je serais super heureux. C'est juste que j'ai pas cette capacité-là. Mais lui, en même temps, c'est sûr que je pense qu'il fait aussi parce qu'il y a pas des gros producteurs d'impact. Là. Il peut faire ce qu'il veut, puis il se fait pas écœurer. Telle explosion, je suis pas d'accord, enfin comme fuck off, là, c'est ça, puis c'est ça. Moi, j'aime sa façon de penser, j'aime la liberté que ça lui procure, mais en même temps, j'aime pas mes nuits blanches. Fait que si on peut faire un entre-deux, ce serait le fun. C'est bon, avez-vous d'autres questions pour Pierre-Luc? Fait que, ben Pierre-Luc, merci encore d'avoir accepté notre invitation. Et pas de problème, c'est très cool. Je pensais que t'avais, le Skype et t'avais sauté. Comme, moi aussi, je pensais que le Skype avait sauté. C'est bon, fait que, écoute. Ben, merci beaucoup. Puis, écoute, aussi qu'on peut te rejoindre sur Internet, mais aussi sur, mettons, tes projets sont disponibles où présentement? Est-ce que t'as des projets qui sont disponibles sur Internet? Je sais que tu peux pas nous plugger justement tes prochains projets comme t'as parlé tantôt. Mais... Ben, en tout cas, les gars des Vues, saison 1-2, c'est sur le site de Télé-Québec. Toutes les émissions sont là. Allez voir ça en passant, on l'a vanté, mais allez voir ça, ça vaut la peine. Ouais, ça vaut la peine. Pour vrai, j'ai fait ça pour. Des fois, on passait des nuits blanches justement pour des petits détails, des jokes de 2-3 secondes, mais que pour moi, si ça pouvait faire triper 2-3 personnes, ça vaut la peine. Fait que c'est peut-être vous, ces 2-3 personnes-là. Fait que peut-être qu'il y a des trucs que seulement vous allez comprendre, parce qu'il y a beaucoup de détails et de références. Si vous connaissez un peu le cinéma, vous allez être servi. Exact. Sinon, ben, t'as des trucs sur YouTube. J'ai vu des contrats de gars qui étaient là-dessus, si je me trompe pas. Ouais, ça sur YouTube, contrats de gars, puis les colocs.tv, puis surtout beaucoup d'ouvertures, là, tu vois. Là, il y a Bye Bye qui s'en vient prochainement. On a fait l'ouverture du prochain Timmy Show. On a fait une pub pour Cinéplex avec Rachid Badouri. Ah oui, on a fait deux pubs avec Rachid. On a fait une couple de... En fait, pas mal toutes les ouvertures de gars-là, je les ai faites, à part les Gémeaux. J'ai fait les Gémeaux, puis la disque, parce qu'eux autres, ils font... la plupart du temps, les numéros sur scène, là, fait qu'il n'y a pas de vidéo. Là. Ouais, genre Louis-José qui parle pendant 12 minutes de... Ouais, c'est ça, tu fais pas une vidéo à place, là. Il gagne tout le temps, anyway, meilleure animation, puis meilleur numéro d'ouverture aux Olivier avec ces numéros-là. Hey, mais le pain Louis-José, là, il utilise tellement un peu la même formule à tous les ans, là, pour faire son numéro, je dis pas que c'est pas bon, là, mais je dis juste que... Mais moi, en plus, j'ai vu la semaine passée, il testait son numéro de Gala de la 10 2015, là, puis c'est un peu souvent le même essence de structure. De... Ouais, mais en même temps, sa formule, elle marche depuis 10 ans. Ah, je viens de dire que ça marche quand même. Ouais. C'est pas ça. Je dis juste que... je trouve qu'il y a souvent comme un espèce de moule qui revient tout le temps. Là. Mais c'est un moule qui marche, comme Stéphane, tu disais. C'est un moule qui marche justement pour les gens de 35 ans et plus, mettons. Là. Fait que... Ouais, ben en fait, pour les gens dans la salle qui sont des musiciens, là, qui sont pas des humoristes ou des fans d'humour. Là. Exact. Fait que c'est bon. Bon, sinon, Stéphane, où est-ce qu'on peut te rejoindre sur Internet? Ah, Stéphane Deguire sur Twitter. Parfait. Et toi, William? Moi, c'est @will_barbeau, B-A-R-B-O, sur Twitter. Fait que c'est ça. Parfait. Moi, vous pouvez me rejoindre sur Twitter au commercial JS Chapelot. Sinon, vous pouvez nous rejoindre sur le site Internet, spoileralertqc.com, sur notre Twitter, spoileralertqc, sur Facebook, sur iTunes. Allez nous donner un petit 5 étoiles, ça serait super cool. Puis, en passant, Pierre-Luc aussi, vous pouvez aller l'écouter. Il a fait quelques épisodes de Trois Bières, des excellents épisodes, comme d'habitude. On ne pouvait pas ne pas plugger ce podcast qu'on adore. Donc, allez écouter ça. Là, il y a quelques épisodes avec lui, c'est très drôle. Donc, on se rejoint au prochain épisode. Salut tout le monde. Salut. Bye. Bye.